à cette édition spéciale d'Assemblage requis. On est toujours dans les studios de C'est fou à Trois-Rivières. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Encore une fois, c'est une grosse pointe d'adresse qu'on parle aujourd'hui. On s'est vraiment centré sur nous-mêmes. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est les meilleurs moments de nous. On peut pas s'excuser. Mais en même temps, ce qui est le fun, c'est que les autres participent à cette chronique-là. Donc, c'est la chronique de tout le monde. Oui, vraiment. C'est un partage alimentaire de malbouffe. Donc, c'est ce qu'on fait à chaque semaine. On achète quelque chose dans un dépanneur, dans un magasin. Et je le dis à chaque début de chronique. Fait que c'est pour ça que je le dis pas dans ces intros-là. Parce que, Caroline, j'arrête pas de le dire. C'est ma phrase clé, produit du tiroir. C'est vrai. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle en écoutant cette émission aussi. Donc, voilà, on est rendu, comme je dis, au mois d'août, à novembre 2016. Donc, c'est la fin de l'année. C'est quand même semi-récent. Je me rappelle que David Ferron commençait à être pas mal plus présent à ce moment-là. Alex Marchand aussi. Oh que oui. Des gens qui aiment cette chronique-là. Des gens qui adorent cette chronique-là et qui ont été aussi d'une bonne aide. Oui. Quand on faisait les chroniques, je me souviens, on était toujours en studio, il y avait toujours beaucoup d'ambiance, donc c'était vraiment très plaisant. Les meilleurs moments, je pense, sont ceux avec le plus de gens possible dans cette chronique-là. Donc on commence avec le mois d'août tout de suite. Une grosse pointe, Aldresse! Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on mange ou boit quelque chose acheté en épicerie ou au dépanneur pendant que Lintan met un papier de Starburst dans un sac de chips. Je trouve ça drôle. Mais t'as arrêté de dire tout ce que je fais? C'est un drôle de mélange. On dirait que t'es enceinte. Starburst pis chips, oui ou non? Mais j'ai mangé mon Starburst il y a 2 heures de ça. J'avoue que le temps passe très vite avec toi. Hein? Oui. C'est comme devenu un compliment. Que... Voilà. Paradis. Oui. Qui est celle, en fait, aujourd'hui, on va se faire un petit tag team. Tu nous as amené plusieurs produits. Ouais. Et on va les goûter tout au long de la prochaine heure. Voilà. On se bourre la face, littéralement. Oui, littéralement. On va l'avoir partout dans la face, comme un bébé. Ah, faut pas qu'on parle de bébé, parce que là, son bébé est à la garderie ou je sais pas trop quoi. Non, je suis une amie de confiance, là, quand même. Elle, pendant juste une heure, pour la première fois de sa vie, genre, elle va être ailleurs que dans les bras de sa mère. Fait que si on en parle, ça va tout le temps lui rappeler ça. Fait que c'est pour ça qu'on le mentionne pas. Jamais. Faut pas en parler pendant... Non, surtout pas là. Pas au début de la chronique pendant 2 minutes, genre. Donc, on boit ou on mange aujourd'hui? Ben, les deux. Ah! Mais pas en même temps. Ah. Mais on pourrait, mais tantôt. Ah! Non, le premier produit que j'ai apporté, eh bien, écoute, j'avais peur de l'amener parce que je me suis dit, ça se peut pas que Mathieu connaisse pas ça, mais il me semble qu'il m'en a pas parlé. C'était pas sur Facebook? Non, c'est ça. Fait que s'il était pas là, mais que tu y as goûté, c'est pas de ma faute, c'est ça. Exactement. Fait que, c'est la faute à Lintan. Ben voilà. Mais c'est pas ton problème. Hey, un bouc émissaire. Que tu vas voir chez vous, tu reviennes, ton chum va te mettre un bouc émissaire. C'est pas ça chez Fleury, ça, un bouc émissaire. Ouais. Mais en fait, c'est que mon copain, il va être à l'Asson. Ben, il était à l'Asson en ce moment, là. Ah, à l'Asson Pion, je pensais qu'il a commencé une phrase. Il va être à l'Asson, son bal. Ben là, ça, j'ai réalisé, ben non, c'est pas tout le monde qui diminue leur mot comme moi. À l'Asson. Fait qu'à l'Asson. Wow. À l'Asson Pion. Eh ben, c'est... Voilà. Je viens d'apprendre ma leçon. Non. C'était pas drôle. C'était prévisible. Mm-hmm. Sors l'autre produit. Donc, j'ai apporté... Je peux-tu boire? Je l'ai pas goûté. Un, je l'ai pas goûté. Deux, c'était dans mes nouvelles tantôt. Je te jure, c'était dans mes nouvelles tantôt. Wow! C'est une primeur avant tout le monde, pour vrai. Fouf, je suis énervée. Ah, yeah, cool. Puis là, tout le monde est comme, ben là, c'est quoi? Ouais. C'est... Ben là, je vais vous dire, tu sais, cappuccino glacé, Tim Hortons, ouais, okay. Mais en bouteille, hey! À l'épicerie. Oui! Fait que là, je me promenais chez Provigo. OK, oui. Puis là, j'ai... maintenant de l'argent parce qu'on les a mentionnés, ouais. Puis là, non, mais c'est pas... j'ai jamais vu ça ailleurs, là. Même au Tim Hortons, ils ont pas ça. Non, allô? C'est fou, hey, voyons. Ben peut-être, mais j'ai pas vu ça. Dis-toi d'être avant son chapeau. Je n'ai pas. Ah, ouais. Donc, oui, c'est du cappuccino glacé en bouteille de Tim Hortons. Donc, c'est fou palpitant. C'est beau, en plus, la bouteille est vraiment belle. Tu trouves? Ben, oui, c'est brun puis rouge. C'est la fête Tim Hortons. Oui. On peut pas se tromper. Non. J'ai pris la version originale, mais il y a aussi la version vanille et la version mocha. Ah, il n'y a pas celui à l'érable. Ben, je l'ai pas vu, celui-là. Ouais. C'est nouveau en magasin, je pense que ça pourrait être limité. OK, ben non, ben c'est sûr. Ils sont allés avec leurs produits courants, j'imagine. Les classiques. Moi, je suis allée avec l'original parce que j'ai jamais goûté aux autres. Donc, j'aurais pas pu comparer le produit. Mm-hmm. Donc, on y va avec celui-là. Chose que je trouve étrange, oui et non. Celui-là, il est fait à partir de lait. Mais on sait que Tim Hortons, c'est fait avec de la crème. Ah, je ne savais pas. Parce que tu peux demander avec du lait. Oui. Admettons que tu surveilles ta ligne. Ah, la version juste diète, hein. Ma soeur, l'autre fois, elle a pris un café glacé, cappuccino glacé, version légère, je pense, puis c'est comme avec du lait 2%. Là. Mais c'est ça, mais ça goûte pratiquement pareil. Ouais. C'est juste un peu moins crémeux, le goût est pareil. Okay. Donc, je sais pas ce que ça va donner en bouteille. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire à part ça? Il y a quand même 300 calories pour 300 millilitres. Donc, chaque millilitre que tu ingères, c'est une calorie. Le ratio est quand même élevé. Sinon, c'est fait de lait partiellement écrémé. Le sucre est quand même en deuxième position, mais c'est probablement la même chose en succursale. Oui. De la crème, il y a quand même de la crème dedans. Intéressant, ça. Ah, mais OK, mais c'est 1,95% de matière grasse dans toute la bouteille, mais il y a quand même de la crème dedans. C'est presque 2%, dans le fond. Tant qu'à ça. Moi, ça m'énerve. J'aurais pas voulu mettre un petit peu plus de crème pour que ce soit 2%. Une goutte ou deux de plus. Hey, come on. Bon. Ensuite, de l'extrait de café, saveur naturelle et artificielle. On a un extrait du café, d'ailleurs. Ce que je trouve très intéressant... C'est que c'est écrit bien acheté avant d'ouvrir. Bien acheté avant d'ouvrir? Non, bien agité. Okay, okay. Mais j'ai entendu bien acheté avant d'ouvrir. Non, tu peux pas le voler. Glou glou, non? Non, mais c'est bien agité avant d'ouvrir. Donc, c'est quand même pertinent. Faut que tu laisses le bouchon dessus si tu veux l'agiter. Oui. Si tu l'enlèves, tu l'agites, ça fait vraiment des dégâts partout. Oui, est-ce qu'il y a un 1 et un 2 à côté des étapes? Non. Ça aurait mérité ça, je pense. Un petit dessin. Et une fois qu'il est ouvert, mais agité avant, faut le réfrigérer. Ah! Donc, fait que ça veut dire qu'il faut qu'on le finisse aujourd'hui. Oui, ben on est trois, là. Hey, comment, deux gorgées. C'est pas une énorme bouteille. Combien de millilitres? C'est pas gros. 300, je l'ai dit. 300 calories, 300 millilitres. C'est vrai, excuse-moi. Ah, puis il passe date le 3 décembre. Oh, j'ai hâte. Mets ça dans ton agenda. Ouais. Hey, Steph, tu viens-tu, le cappuccino, il passe date aujourd'hui? Wow. Puis sinon, il y a quand même beaucoup de calcium puis de vitamine A. Mais ça, on s'en fout, c'est un cappuccino c'est glacé. Ça. Tu prends pas ça pour les vitamines. C'est pas santé, ben ça. Donc, on va l'agiter avant d'ouvrir. Oui, agite hein? Dans le micro magique, s'il te plaît. Ben oui. C'est bon. On entend presque. Presque. OK, c'est assez. C'est bizarre comme bruit quand même. C'est quand on dit pas. On a trois on verres. On y passera pas trop. Toi, contrairement à moi, tu prépares la chronique en amenant les verres à l'avance. Mais ça fait quand même quoi? 6 mois je me prépare? C'est vrai, hein? Tu n'avais pas eu de verre. Allô? Moi, c'est ma co-animatrice. Service. Verre, s'il te plaît. Service. Ouais, puis là, t'envoies promener. Fait que c'est toi qui vas y chercher. C'est ça. Donc, j'ai des verres, mais tu sais, j'ai pas trois verres. Je vais boire dans okay, la bouteille. C'est deux verres pour. Parce qu'on a deux choses à boire, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Ah, allô, mathématiques. T'es bon? Je suis pas là pour faire des maths. Non, je l'ouvre oui. Dans le micro magique. On l'a presque entendu, ça aussi. Ça a l'air plus vitreux que plastique. Et pourtant, c'est en plastique. C'est en plastique. En vrai, j'ai peur qu'il y ait un dégât. Non. Pau! De toute façon, c'est derrière la console, tu vois. On dirait que je suis dans un rêve. Ah, mon Dieu. Hein? On se stressait pour rien. Il y a un papier d'aluminium. Ah bon. Hey, mais c'est donc bien inutile. C'est comme bien inutile. Le bouchon était déjà... Ah, mais il y a des gens, des fois, qui débouchent le bouchon puis leur bouche, mais il n'est pas hermétique. Il était full scellé. Ouais, ça marche. L'aluminium dans le micro? Ouais, mais je... Ouais. Avant de faire un dégât, tu sais. Ça devrait faire... Ça ressemble un petit peu à une bouteille de vide de lait dans le temps, tu sais, la mais forme, je trouve. T'as une petite place là, avec une languette. De... Ouais, ah, mais il y en a plein. Il voulait être sûr que c'est une qui arrache. Mais t'en as une plus grosse aussi. Il est collé! Tu sais, ceux qui trouvaient que c'était long. Je sais que j'en ai une plus grosse que Mathieu. Ouais. C'était bien dit. Ah, oh, ouh! Non, ben, c'était subtil. Ouais, subtil. Là, on veut le verser. Là, ça va être la fun. Mmh. Oh, mais c'est comme en nature. Oui. On entend plus le plastique que le liquide. Génial. Oh, l'odeur est délicieuse. Merci. Êtes-vous tout énervé, là, comme ça, moi? Mais ça, j'avais hâte, pour vrai. Merci, Steph. OK, on est prêt à goûter? Oui. Allons-y. Parce qu'on sent un petit peu avant. Ça sent exactement la même chose. Pareil. On sentait, c'est pas une copie du cappuccino glacé en tant que tel. C'est quand même fait par la même entreprise. Oui. Ça va peut-être être juste moins froid. Ils ont sûrement fait beaucoup de tests pour arriver à la recette la plus parfaite s'ils veulent pouvoir le vendre, tu sais. Mais ça doit être juste la même chose, mais fondu. OK. On goûte? 1, 2, 3, go. C'est pareil, c'est super bon. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Ah, moi, je trouve ça. Ben, le fond d'un cappuccino glacé, ça goûte ça. C'est sûr qu'il faut enlever l'aspect slush, là. Non, il y a comme un aspect plus crémeux. Oui. Il est beaucoup plus liquide, le cappuccino glacé. Ça se peut, la texture est pas pareille, mais le goût en tant que tel est pareil, non? Ben, je le trouve un petit peu plus sucré qu'un vrai cappuccino glacé. Quand même. J'ai l'impression que, mettons, si j'avais à boire toute la bouteille au complet, là, j'aurais un mal de cœur. Ah c'est non, vrai, c'est intense, mais je peux boire un immense cappuccino glacé. Ben parce que, vu que c'est une slush, il faut que tu attends un petit peu, des fois, entre les gorgées pour que ça pas fonde un tout, peu, non? Pas du tout, pas du tout. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je mange la glace. Ah, avec une cuillère. Non, mais je sais pas, on dirait qu'il y a comme un petit dépôt sur la langue. Ouais. De exactement. De l'arrière-goût. Il y a comme des petites particules, là, qui glissent sur la langue. J'ai pas trouvé ça. Mais c'est possible. Mais je les ai pas sentis. Ça reste bon. Ça goûte comme un cappuccino glacé qui aurait fondu. Sauf sans la glace, parce que la glace fait diluer un petit peu le goût des fois quand ouais. tu ça doit être pour ça ouais. la différence. C'est quand tu bois ton fond, il y a de l'eau à travers. Il y a peut-être moins d'eau celui-là. Ouais. Ça reste bon. Admettons que, mon Dieu, hey, à Ottawa. OK, au Madame est rendue mondiale, worldwide. Hein? Non, mais c'est parce que tu dis, tu sais, les Tim Hortons, ouais. t'es en plein centre-ville, il y en a partout. Mm-hmm. Ils sont toutes fermées le soir. Hein, comment ça? Il y a pas de Tim Hortons 24 heures. Il y a comme rien de 24 heures. Ah oui. Tu sais, c'est vrai, en Ontario, tu dis, ah, tu sais, ça se couche de bonne heure, tu passes rien le soir. Ben, c'est un peu vrai. Aucun Tim Hortons ouvert. Ça, moi, je trouve ça étrange. Pour quelqu'un, tu sais, on est habitué ici que tout est ouvert tout le temps. Ouais. Donc, j'imagine quelqu'un qui veut. À Trois-Rivières, ça. Quelqu'un qui veut un cappuccino glacé la nuit. Tu peux en avoir dans ton frigo si jamais t'es mal pris. Moi, j'aurais fait une bouteille de 500 ml, donc j'aurais dilué un petit peu plus le goût. Peut-être, hein? Ouais. C'est niaiseux, mais ça manque d'eau. C'est rare un produit, mais il y a trop de goût. Ben, et j'ai l'impression que pour vrai, moi, en tout cas, du quick, traditionnel quick, là, mettons les bouteilles de quick, oui. les berlingots, là, deux gorgées. Ça se boit seul. Avec une paille surtout, là, c'est fini, là, t'sais. Oui. Ça, vraiment, ça doit vraiment pas durer longtemps dans ma bouche. Hein? Mais c'est que, comme je disais tantôt, là, moi, boire la bouteille au complet, ça me donnerait mal au cœur. Peut-être. Oui, c'est vrai, il est très intense. Il est trop crémeux. Il y a trop de crème puis de sucre. Bon, enlève la crème. Bon, mets de l'eau. Mets de l'eau. Comme qu'ils disent, là, dans les annonces à TV, mets de l'eau. C'est ça, mets de l'eau. Bon. Mais j'aime ça. Moi, je mets mon pouce en l'air quand même puis pas mal haut. Oui, quand même haut. Oui. Parce oui, qu'on aime ça. Yes. C'est du café. Oui, puis ça goûte pas. Ça goûte le café, mais ça goûte pas. C'est pas le café. Ça goûte le quick. On va se le dire. Au café. Oui, c'est vrai. C'est dans le bon sens, c'est dans le bon sens. Ça veut dire qu'on est prêt à passer à un autre produit avec Steph Paradis. Avec le mien, est-ce qu'on fait le mien? Oh, t'es tout énervé, tu veux faire qu'on fait le tien? Je sais pas, t'avais un ordre de prédéfini. Ben, peu importe. OK. On va manger de toute façon. On va manger. Moi, de toute façon, j'ai faim pour ça, puis je les ai vus passer sur Facebook tantôt. Oh, sainte. Ce matin, ben, pour vrai, la plupart des produits que j'amène... C'est des chips, c'est sûr. Oui, voleur de poche, j'avais fait à travers du sac, c'est super évident en plus. Ben oui, mais c'est toi qui as choisi ton sac. J'avoue, hein. Mais en fait, ouais, t'as raison. Fait que c'est ton problème. C'est mon problème. Mais bref, peu importe. D'habitude, j'amène des produits qui sont relativement obscurs. J'essaie de trouver quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais goûté. C'est le but de la chronique. C'est bien, c'est pas raciste. C'est pas raciste. Je te dis relativement obscur. Oui. Ça veut dire qu'ils sont pas tout à fait, ben ils sont quand même vendus en magasin. Ouais, OK. Ils sont pas genre en préparation dans une usine, genre seulement nous qui vont les tester. Ça serait obscur. Mais hein, si quelqu'un veut faire ça, appelez-nous. Hein? Effectivement. Bref, j'ai vu passer sur Facebook, donc c'est pas un produit obscur, c'est un produit quand même, je dirais, très très populaire. Borderline, je le ferais pas si c'était pas que personne d'autre le fait. Les seules affaires que j'ose pas toucher dans cette chronique-là, c'est Pepsi Crystal, parce que on le fait à radio, t'sais. Et les Legs quand ça sort à chaque année. T'sais. Ah ouais, toutes les radios font ça. T'sais. Ouais. Fait que j'évite ces affaires-là qui sont trop connues. Mais ça, j'ai pas entendu personne en parler, parce que c'est quand même relativement correct. C'est des waffles, chili et fromage. Ah, oh, est-ce que ça va être décevant comme les chips de l'autre fois, là, la sriracha, je sais pas trop. Je me le demande. La face de Steph du tout, c'était comme excitation. Pas sûr. Pas sûr. Est-ce que c'est un chili con carne ou un chili végétarien? Il m'a l'air con carne parce que je crois voir des traces de ce qui ressemble à de la viande, mais je pense pas qu'il y en ait dedans. On va le lire sur l'emballage, OK? Ben, je pense pas de toute façon qu'il y en ait dedans. Je pense pas qu'on lira pas les ingrédients comme ça va en manger. Ça va être de la saveur artificielle de bœuf de toute façon. Moi, je dirais que ça va être de la fumée de bacon, probablement. Penses-tu? Juste de la fumée. Ce qui est pas de la viande. Mais oh, mais c'est pas un saveur de chili, ça, la fumée? T'as bien raison. Je vais lire à la place sur l'emballage. Déballeur de saveur. Bien garni, en gros, bien garni, déballeur de saveur. Je vous lis le texte et là, pareil comme toi. Merci. Ah, c'est pas fin. Non, c'est un compliment. Bien garni, c'est comme si tu fais gros. Mais c'est un texte qui est spécifique au sac. D'habitude, c'est un texte qui regroupe toutes les saveurs. Mais là, c'est juste lui, là. Juste lui, là. Donc, imaginez un bol fumant. Fumant! J'ai dit fumer tantôt. De chili, débordant de fromage cheddar et de crème sure, le tout garni d'ail, de tomates et de poivron vert. Alléchant, n'est-ce pas, pour interrogation? Ouvrez un sac de croustilles Ruffles, c'est toi qui mène vers quelque chose d'autre que je sais pas ce que c'est. Chili, fromage, et préparez-vous, sûrement. Et à vivre toute une expérience de saveur, ça nous fait plaisir, Canada. C'est marqué ça. Ils sont pas prétentieux, pas un peu. Ingrédients, pommes de terre, j'espère, spécialement sélectionnées. Huile végétale, assaisonnement, donc on a plein d'assaisonnement. Les épices secrètes, ils vont pas nous le dire. Hein? Ben, maltodextrine, je sais pas si c'est pas une épice. Ben, c'est marqué assaisonnement, entre parenthèses, maltodextrine de maïs, poudre de lactosérum, babar en poudre, épices et fines herbes, oignons en poudre, fromage cheddar en poudre, sucre, glutamate monosodique, poudre de tomate, colorant, extrait de levure, poudre d'ail, poivron vert, sel, crème sure, acide citrique, arôme naturel et gomme acacia. Ça, c'était toute la parenthèse de l'assaisonnement. Et l'autre ingrédient, c'est sel. Bien entendu. Fait que la plupart des ingrédients sont dans l'assaisonnement. Le sel, mais il fait partie de l'assaisonnement quand même. Non, ils l'ont mis à part. Non, mais dans la bouche. Rendu dans la bouche. Il rentre dans la parenthèse. Donc, Ruffles, les croustilles sont pauvres en gras saturé. Donc, on ne sait pas le gras trans. Wow. La marque de croustilles ondulées, croquantes et débordantes de saveur préférée des Canadiens offre un goût hors du commun. Là, ils mettent la barre vraiment haute. On va les appeler live à l'émission tantôt. 1-800-376-2257 pour leur dire que leurs chips sont bonnes ou pas. N'appelez pas là, là. Je veux dire, vous n'avez rien à gagner. Absolument pas. Et donc, Ruffles, chili fromage pour une durée limitée. Le sac, ça va par là-bas. Stéphanie a ouvert celui de tantôt, donc Lintan va ouvrir ça dans le micro magique. Ruffles, chili et fromage. Êtes-vous prêts? Oui! L'odeur, là. Est-ce que ça sent bon? Ça sent les patates. C'est OK. Non! Ça sent les bines. Lui, ça sent les bines. Stéphanie se met le nez dedans. Ben, ça sent pas grand-chose. Ben, voyons donc. Ça sent, je sais pas, nature. Ben, c'est plate, ça. À l'odeur, il y a pas rien de... Il y a pas un fromage, genre, bon, ça, je pourrais dire, bon, non. Ça sent le fromage Doritos. Mais je trouve que ça... Non, je trouve que ça a une petite senteur de chili. Mais okay. C'est vraiment subtil, minime. Ouais. Oui, c'est ça. C'est subtil. Rapproche-toi. J'espère que ça va être moins subtil en bouche. Mais tu sais, je vais en prendre quelques-unes. Parce que tu sais, on veut y goûter quand même. Ben oui. On veut pas juste les sniffer. Ceux qui sont à diète doivent des fois sniffer des chips. Hey, ça sent un peu les ringolos. Ah, oh, j'aime ça. Attends. Ça m'encourage, ça. J'aime ça, les gringolos. Ouais, non, moi, je sens vraiment plus le chili, là. Peut-être que les ringolos sont au Chili puis ils nous l'ont pas dit. Peut-être. Chili Snyder. Ouais, je suis pas sûre que je me rends, là, Mathieu. Parce que, dans le fond, ça pourrait être exactement les mêmes épices, les ringolos, puis ils ont juste décidé qu'ils appelaient ça chili, tu sais. Peut-être. On essaie. Je veux sentir, moi aussi, avant, pour voir si tu avais raison, attention. Ouais, parce que j'ai hâte de goûter à ça. Ça sent pas tant le chili. Ça sent peut-être un petit peu la tomateux. Ça sent un petit peu de tomateux. Ouais. Ah, peut-être. Peut-être, c'était quoi l'ingrédient qu'il y avait tantôt? C'était le... Oui, c'est vrai que ça sent le fromage. Pas le fromage, les tomates. Il y avait une épice tantôt, c'était quoi? Tantôt. Maltodextrine. Non. Sel. La crème sur oignon, peut-être un petit peu, mais pas tant que ça. Aïe. Je sais pas. OK, on goûte un peu. C'est spécial comme goût. Ça goûte plus... Ouais, écrime, j'aime ça, cette petite épice-là, moi. C'est ce que encore. Ça goûte? C'est quoi? Tu sais, les espèces de chips supposément santé qui vendent dans oui. Section... Oui, aux légumes. Ouais. Oui. Perte orange et tout ça, ça goûte voilà, ça? Voilà, ça goûte ouais. Ça. C'est très bon, ça. Je cherche encore ce que je voulais vous dire tantôt. L'épice? Non. Il y a des longueurs. Poudre de tomate, en tout cas, c'est sûr que oui, poudre d'ail, je le goûte vraiment beaucoup. Fait que ouais, ça goûte pas le fromage, ça goûte pas le chili, non. Mais c'est bon. C'est ça, l'important, c'est que c'est bon, ça goûte absolument pas le chili au fromage, t'as bien raison. Non, effectivement. Vraiment. Mais c'est super bon. Ça me rappelle quelque chose, mais ça me rappelle pas les petites croustilles aux légumes, je sais pas trop, là. Moi, c'est vraiment ça que ça me rappelle, puis j'aime ça. Je veux manger ça au complet. Je trouve que ça goûte les crispers genre au ranch. Oui, je pense que t'as raison. Ouais. Mmh. J'ai jamais goûté. Quoi? Je peux pas comparer. Pousse en l'air très, très fort. Oh mon Dieu, je me fais juger, là. Je prends tout le temps celle au barbecue. Je sais que je suis jamais déçue avec celle au barbecue. Mmh. Miam. Bon, donc, c'était très, très bon. Pouce en l'air en masse, en masse, en masse. Mais moi, ça me donne soif, là. Ouais, moi aussi. Une chose, on a d'autres choses à boire tantôt, c'est ça? Tantôt? C'est ça que t'as dit? J'ai soif. Linton avec moi. Oui, oui. Oui, oui, qui mange encore des chips pour réussir à se rendre jusqu'à son rendez-vous de tantôt. Oui, exactement. Si tu me dis quelque chose, je vais te dire un nom. Ouais, j'espère que c'est pas trop personnel. Ah, ben je dirais pas ce que c'est, voyons donc. Hein? Un rendez-vous, ça peut être tellement de choses. Un rendez-vous. Ah non, mais c'est un rendez-vous chez Kiro Gang, là. Ça fait que pensez pas trop. On peut plus se faire d'idées, là. Ouais, y a plus de suspense. Ouais. Stéphanie Paradis qui est arrivée tout à l'heure pour une grosse pointe. Allô! Elle qui est une habituée de la chronique, c'est avec elle qu'on a parti la chronique. Donc, c'est avec toi que j'ai commencé à goûter les choses en nom. Ben oui, ça prend deux gourmands. Et le gourmand pour être poli, pour partir une chronique de même. Deux maudits cochons. Mais c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, tant qu'à venir, après quand même, t'es vu la semaine passée, mais avant ça, ça avait quand même fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Donc, tu as amené des produits pour goûter ensemble. C'est ça. Donc, retournons-y pour une deuxième partie cette semaine. Voici une grosse pointe en dresse. C'est la chronique dans laquelle on goûte, on boit ou on mange un produit retrouvé en magasin, en dépanneur, dans le fond d'une rangée, dans le bas, dans le rack d'affaires pas cher, peu importe, en tant qu'on n'est pas goûté à l'avance. Et c'est ça le défi de revenir après autant de temps, Stéphanie Paradis, c'est que ça se pourrait que tu sois tombé sur un produit qu'on a déjà goûté. C'est ça, ben, je suis pas nécessairement au fait des nouvelles, mais ça arrive quand même à l'occasion, je vois quelque chose, puis je texte Mathieu, puis j'y envoie une photo, puis je te dirais, le trois quarts du temps, il est au courant, il a goûté. Tu t'es parlé en onde au moins. La plupart du temps, c'est ça, c'est que j'en ai au moins parlé en onde. C'est rare que j'ai goûté à des choses que tu me présentes jusqu'à maintenant. Et comme vous le savez peut-être, sinon je vous dis là, sur la page Facebook, les produits il y a des semaines récentes. La plupart du temps, j'attends 4, 5, 6 semaines avant de le faire. Pour faire un petit paquet. Un bundle of joy. Un petit paquet d'amour. C'est ça. Testicule. C'est subliminal. Donc, troisième produit pour aujourd'hui, le deuxième pour toi. Et on reboit, parce que nous autres, on a quand même continué à manger des chips pendant la pause. J'ai dit « on, les filles », parce que le sac est de notre côté. C'est ça, et les temps trouvent encore que ça goûte les Ranch Crispers. Oh oui! Je sais pas si tu te souviens, Mathieu, là, je mets tout le monde hors de la conversation. Je t'ai envoyé une photo, si je me trompe pas, la semaine passée, ou maximum deux semaines, de quelque chose que j'avais bu. Là, tu cherches parce que t'as pas de mémoire. Il y avait pas quelque chose avec... tu m'avais envoyé un peigne avec des céréales, mais c'était pas ça? Non, c'est entre les deux, là. Ah bon, et là, je me rappelle pas c'était quoi? C'était quelque chose qui se boit. Ça avait l'air, il me semble vraiment hot, là. J'avais dit que j'en voulais, hein. Bon, mais j'ai apporté l'autre saveur. Donc, j'ai avec moi... Oui! Les... Oui. Tu connais les boissons gazeuses Bec? J'adore les boissons gazeuses Bec! Au Québec. Et c'est sucré au sirop d'érable. Oui. Donc, du vrai. Donc, moi, il y a deux semaines, j'ai goûté la version à la lime qui est, je vous le confirme, excellente. Tu t'attends pas à voir une boisson parce que dans le fond, Bec Cola à la base, c'était juste de la liqueur brune avec du sirop d'érable. Avec de la lime maintenant, est-ce que tu gardes le goût de la liqueur brune en plus? Non, je dirais que c'est une version 7-Up mille fois mieux. Oh. Parce que c'est agrume. Tu goûtes vraiment à la lime et t'as l'arrière-goût d'érable. T'es comme, voyons donc, j'en veux. Là, tu prends deux gorgées. Puis t'es comme, pourquoi je n'ai pas acheté une caisse? Ben, c'est ça. Puis c'est quand même relativement cher, ces affaires-là. C'est du produit local, donc... Oui, c'est ça. Donc, cher, mais quand t'achètes une petite bouteille de boisson gazeuse commerciale... Ouais. Au dépanneur, à 3$ et 25, hein? Ouais. Écoute, c'est moins cher, ça, à la limite. Et c'est super bon. Donc là, moi, j'ai amené la version à la canneberge parce que j'avais goûté celle-là à la lime. Donc, je voulais... Tu sais, je suis pas hypocrite, là. Ouais. Donc, j'ai amené celle-là... T'es pas supposé goûter à l'avance. Non, c'est ça. Puis des fois, c'est dur. Ouais. Donc là, j'ai amené la version à la canneberge. Donc, c'est super beau, hein? La bouteille est transparente. Tu vois, c'est tout rouge en dedans parce que c'est à la canneberge. Oui. Puis, tu sais, c'est de l'eau, du gaz. Sirop d'érable biologique, on aime ça. Sucre biologique, jus de canneberge biologique. Acide citrique, pas biologique. Et arôme naturel biologique. Ah non, ben acide citrique et arôme naturel biologique. Ah bon. En tout cas, il n'y a pas de virgule, fait qu'on pourrait se dire que c'est biologique. Après, c'est d'écrire à chaque affaire, puis juste l'écrire en gros, tout est biologique. Fait que, ouais, c'est ça, dans le fond, c'est quand même santé, là. Ben, c'est certifié biologique par Écocert Canada. Ah, ben, c'est bon. Écocert comme animal? Non. Non. C'est pas un cerf qui crie dans le bois, puis ça fait de l'écho, là. Okay. Donc, dans une voiture éco. C'est pas mal ça. C'est ce bestie cri biologique là, bon. Devant. Et c'est 275 millilitres. C'est une petite bouteille, quand même. Mm-hmm. Ah, c'est deux gorgées. Mais j'en ai apporté deux. Ah, oh, oui, donc, ouais, wow. Vous autres, vous en partagez une, puis moi, je bois l'autre. Ben, voyons hein, donc. C'est pas pire, la générosité de Stéphanie Paradis. Ouais, c'est ça, j'en garde une pour moi. Brosse-la pas trop, là. Je l'ai vu la virer à l'envers, là. Ben non. On ouvre ça dans le micro magique. Oui, micro magique. On a encore deux autres verres qui nous restent en stock. Et du Twist-Off? Oui. OK. Good boy. Pow! Twist-Off sur un méchant temps, hein? Mais c'est le fun de dire qu'il y a vraiment oui. du gaz dedans, ça sera pas flat. Du gaz! La semaine passée, il y a deux semaines qu'on avait bu du thé glacé à alcooliser, il y a trois semaines, c'était... C'était bon, drôle. Mais c'était comme... C'était bizarre, mais ce qu'on avait pas de fouté. Il fallait qu'on aille en emprunter, c'est drôle. Ah, mais tu t'en souviens pas? Moi, je l'avais ouvert sur le bord de la table. Oui, mais là, on a une nouvelle table. Fait qu'on fera pas ça. Vu de même. Vu de même, hein? Hey, ça pétille! Ça broute! Merci. Ça broute! C'est un mot, ça broute? En tout cas, ça sent bon! Oui? Ça sent-tu la canneberge? Je vais ouvrir la mienne. Oui! Aïe, aïe! Aïe, pour vrai, on dirait qu'elle éclate ta bouteille, ça fait que. C'est fou, moi! La canne va couler! C'est ton bain! Non, ça va! Mais hey, j'aime ça, c'est satisfaisant d'ouvrir une bouteille qui fait ce son-là, on dirait que je vais boire du champagne! En fait, c'est de la dynamite! J'ai l'impression d'être riche, d'être sur un bateau avec des douchebags, t'as. C'est ça! Ou c'est du champagne? Mais oui, ça sent la canneberge! Oui, ça sent rouge! Ça sent le rosé, dans ce cas-là. Non, ça sent le jus de canneberge. Oui, vraiment. Littéralement. On goûte à ça. Oui. Oh, le petit... L'érable est comme à la fin. Oui, on le sent, l'arrière-goût d'érable. Ah, wow. C'est bon. Mm-hmm. C'est comme une petite larme, genre, on dirait, à cause des pommes. Tellement c'est bon. Mais on sent quand même l'amertume de la canneberge. Oui. C'est pas trop sucré. C'est ça, juste ça une pointe pas dans les joues non plus. Non. Hein, c'est pas assez extrême pour ça. C'est juste une petite finale un peu plus sucrée avec le sirop d'érable. C'est vraiment bon. Oui, je suis d'avis. Ça bat, là. Tu sais, des fois, en épicerie, on va acheter pour ça, pour être fun, ça un petit peu, une petite bouteille de... De pas de cidre, là, mais de trucs au canneberge, comment t'appelles ça? Là? Genre du mou, pommes, du mou de pomme, puis... Ça bat, ça. Là. Ben, tellement. Mmh. Ça, attends. Ah, oh, c'est génial. Bon. Ah, mais c'est donc une belle semaine, ça. D'habitude, on a des produits dégueulasses un par-dessus l'autre depuis des mois. Là. Ouais, mais je n'en ai amené deux sur trois, quand même. C'est vrai. Mais j'ai préféré celui à la lime. OK. Ah, là, ça donc, ça vaut la peine d'aller s'en chercher. Moi, je l'ai trouvé... ceux qui aiment le blé d'Inde, vous connaissez sûrement les jardins du Gré à Pointe-du-Lac. C'est là. Eux autres, ils vendent plein de petits produits régionaux et du Québec, en plus de leurs produits, les concombres, les patates et les tomates et tout ça. Et le blé d'Inde, bien sûr. Et j'ai trouvé ça là. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller... Prenez celui à la lime, on n'oublie pas. Celui à la canneberge aussi est excellent. Il y a aussi la brune. Il y a peut-être la brune est super belle. Il y a peut-être des gens qui, des commerces qui peuvent vous permettre de faire votre propre caisse des fois, d'échanger des bouteilles d'une café. Je pense qu'eux autres sont ouverts à ça. Ouais, donc essayez-le. Sinon, partout où il y a, j'imagine, je sais qu'il y a un site web, je me rappelle pas, l'autre cola, le local le québécois, 1842 trucs, pas tant que. Ouais, c'est une année, puis on se souvient jamais laquelle. À chaque fois que je vais au magasin pour le demander, je fais comme, tu sais, celui avec la date dedans. Puis il dit, ah ouais, c'est chose du tigre de dragon. Ouais, c'est ça, du tigre du dragon avec des dents. Avec des dents. il me dit tout le temps, on est backorder, il n'y en a plus. Voilà. Mais tu peux aller sur leur site web et ils ont un plan pour trouver où il y en a. Alors j'imagine que Beccola a dû faire la même chose, donc tu dois pouvoir aller chercher. Oui, fort probablement, il y en a sûrement ailleurs, là, ouais. Parce que c'est tellement bon. Parce que du Beccola, j'en ai vu ailleurs, j'en ai vu à l'épicerie. Donc s'il y a du Beccola quelque part, peut-être que vous pouvez leur demander, hey, pouvez-vous commander quelques caisses de lime et quelques caisses mais de cannelle? Oui. Pardon. C'était quoi ça? merci Stéphanie pour ça. Hey, ça fait plaisir. Ah, il nous reste une petite dizaine de minutes. Ah, pouce en l'air, clairement. Oui. Pour tout le monde, là, je pense. Des fois, j'oublie de le dire parce que c'est trop évident. Tellement. C'est le moment de passer la chronique où on achète quelque chose dans le marché pour le goûter. Hein? Oui. C'est comme... c'est tellement le fun de pouvoir goûter quelque chose de nouveau. Mettre ça dans la gueule. Alors, voici une grosse pointe Aldress. Une grosse... Bon Spot adresse la chronique dans laquelle on goûte un produit du tiroir. Donc, le produit acheté en dépanneur, en épicerie ou peu importe. Et c'est avec ça qu'on commence à chaque semaine directement sur le bar. Et j'ai le produit avec moi sous la table. Oh, sous la table. OK, on y est plus. Et c'est très, très lourd. Parce que j'ai pas pu l'acheter en un autre format. C'était seulement disponible comme ça. Pour faire la petite parenthèse... Il a acheté un baril, genre. Non, mais c'est un produit que ça fait vraiment littéralement à peu près un mois que je vois au magasin et que je me dis, il faut vraiment qu'on goûte à ça un jour. Oui. Mais là, on a eu Stéphanie Paradis qui a amené quelques produits. Moi, j'avais plusieurs produits que je voulais pas qu'ils passent date, tu sais. Et tout ça. Fait que je me suis dit qu'on allait se gâter vers la fin de l'été avec ça. Et je pense que la température est quand même appropriée pour ça. Donc, je te donne le sac. Il va falloir que tu sortes tes muscles un peu. Oh my god, attends, là, je vais y aller avec la main. Tu vas venir à pied? Viens à pied. OK, je vais y aller à pied. Tant que ça. Prends un petit voyage, road trip, paye-toi un taxi, viens chercher ça. Tap, tap, tap, tap, tap. C'est lourd, là. Hein? Oh, my God! My God! Hein? Es-tu sérieux? Tu trouves ça lourd? Non, pas vraiment. Mais par rapport à ce qu'on achète... Je pense que c'est une blague, là. C'est une blague. D'habitude, on achète genre un sac de chips ou une barre de chocolat. C'est plus lourd que d'habitude, mais bon. On s'entend que c'est consistant comme produit. C'est une caisse, clairement, je pense. Peux-tu l'enlever dans le sac? Est-ce que tu me donnes la permission de regarder ce que c'est? Oui, je te donne la permission. Et le sac de plastique ne fait pas partie de l'emballage. Oh my God! Oh my God! Tout le monde est excité. Sur le studio! Ça va être bon! Ah! Qu'est-ce que... Bon, là, les gens à la maison font comme... Ben voilà, je veux savoir moi aussi. Oui, exactement. Pas de spoiler? C'est... Attention, pas de spoiler, mais c'est de la Rickard. Ouais. Au pamplemousse! Au pamplemousse! Est-ce que vous avez vu ça en dépanneur? Moi, je l'avais vu et je l'avais du coin de l'œil. J'avais hâte. Rickard's Rattler Grapefruit. Donc, Rattler, j'imagine, est un nom de sous-marque. Et c'est vraiment la collection spéciale d'été. Ah, j'ai pas vu d'autres saveurs que ça. Il va falloir que je cherche un petit peu. On ne s'essaiera peut-être pas en nom, mais... Est-ce que tu veux que je te dise un petit peu ce qu'il y a sur la boîte? Et ton bord, donc, en fait, on parle de la campagne allemande des années 20. Et c'est là que la Rattler est née, parce que c'est vraiment la marque Rickard's, mais Rattler. Rattler. Donc, lorsqu'un pittoresque bar bavarois fut pris d'assaut par un patelon de cyclistes assoiffés, le tenancier eut la brillante idée d'ajouter du jus d'agrumes à sa bière et ainsi être certain d'en avoir suffisamment pour rassasier tout ce beau monde. Et presque un siècle plus tard, la Rattler légère et rafraîchissante se savoure tout l'été, tant après une longue balade en vélo sous le soleil que par un bel après-midi à se prélasser sous un arbre. Ou animer la radio. Ou animer à la radio. Il n'y a pas tant beaucoup de soleil présentement. Non. On est mardi. 16h17, pas beaucoup de soleil, mais c'est pas grave, on va le faire pareil. Hey, la petite madame qui s'occupe des fleurs, là, il y avait pas des fleurs sur le bord avant. Les enlever, là, il commence à faire froid. Ils ont été là 2 semaines. Je sais pas. Est-ce que tu veux les ingrédients? S'il te plaît. On parle de bière, bien évidemment. On parle de jus à base de concentré, donc citron et pamplemousse. Okay. Saveur naturelle et ça contient bien évidemment de l'orge. Et c'est drôle parce qu'il y a quand même pas d'annonce qui dit dessus qu'il y a de l'alcool dedans. Ben oui, il y en a, là, j'espère. Non, je sais, mais okay. Tu sais, si t'es un adolescent, tu peux comme pas savoir que c'est pas une caisse de jus de pamplemousse. Mais c'est écrit où de bord? Il y a pas un petit pourcentage à quelque part? Non, il y a pas de pourcentage d'alcool, il y a rien là-dessus. C'est juste marqué 12 cannes, collection d'été. Ben là, de bord... 3,2% d'alcool, okay, voilà, j'ai trouvé. Parce que ça disait tantôt, ça disait légère. Oui, donc c'est bien dit, ça. Donc je me suis dit, c'est sûr que ce ne sera pas en haut de 5% d'habitude, il me semble. Puis c'est drôle parce que tu l'ouvres sur le top, sur le côté de la caisse. Donc Mathieu, comment est-ce que tu veux que je te l'ouvre? Moi, je pense que je l'ouvrirai sur le côté pour pouvoir... Ici, là. Ouais, c'est ça, juste okay. L'ouvrir comme une boîte de céréales, si on veut, dans notre micro magique pour pouvoir plus facilement le ramener à la maison. C'est fait pour être ouvert pour le frigo, j'imagine, hein? Oui. On est en train de détruire notre équipement, c'est ça? Je sais pas c'est qui la dernière personne qui a utilisé ça, mais... Je sais pas. Attendez, je sais particulièrement c'est qui, mais je le dirai pas. Je vais vous arranger le micro magique pour pas que vous nous perdiez pendant qu'on va ouvrir la boîte. Voilà, parce qu'on a failli vous échapper. C'est ça. Échapper tout le public d'assemblage requis, ça va faire mal! Oui! Donc on ouvre la Rickard's Rattler Pamplemousse Rose, comme une boîte de céréales. On voit que c'est pas par là qu'on est censé l'ouvrir. Non, c'est ça. Faites pas un paper cut de... Hey, c'est sûr, c'est ça qui va arriver, là. Bonne comme je suis bonne pour ouvrir des affaires qu'on déguste. Mais ouvrir une caisse de bière en temps normal, je suis pas si pire là-dedans. Hein? J'ai rien dit, moi. Bon, Mathieu, est-ce que tu veux une canne pleine pour toi? Clairement, oui. Moi, en une plus... Une canne, une canette. Hey, pour vrai, j'ai tout le temps une canne, moi aussi, puis je me reprends tout le temps. Mais c'est à cause de l'anglais. Et ce qui est drôle en plus, c'est que j'ai du baseball ce soir entre 19h et... Hey, tu peux tout te taper les 12. Non. De toute façon, on n'a pas l'air de boire en studio. Hein. Faut qu'on sorte du studio. On a des rallonges de micro pour animer dehors du studio. Je tiens à dire que c'est quand même une caisse de 12. Oui. Elle t'a coûté combien? C'était 17$ environ. Est-ce que tu veux changer le micro, s'il te plaît? Oui, mais tu veux pas que je l'ouvre? Ah, excuse-moi, oui, t'as raison. Alors, on y va? Je sais pas. Oui. J'ai peur de l'ouvrir de mon bar. Quel bruit merveilleux. Je l'ouvre très, très, très, très, très, très loin de moi. Là. Très, très loin de la console. Je suis rendu dans le bon micro. Très loin de la console. Ah, ça sent le pamplemousse, là. Ça sent le pamplemousse, mais ça sent l'alcool aussi. Ça sent quand même la bière. Blonde. Quasiment limite blanche. J'avoue que j'aime pas tant l'odeur de la bière et ça sent ce que j'aime pas. Ouais. Bon, on sent un petit peu le pamplemousse derrière. Ouais, vraiment. Avec quand même l'accent de citron, là, on le sent. Oui, oui, on sent vraiment beaucoup le citron. Je me demande si c'est marqué pamplemousse et citron, c'est pas marqué pamplemousse rose? Non, mais sur la caisse, c'est un pamplemousse rose. Ouais, c'est ça, parce que moi, la saveur que j'aime, c'est le pamplemousse rose. C'est mon fruit préféré de la vie. Même si je suis pas supposé en boire. Savais-tu que t'es pas supposé boire du pamplemousse rose quand tu prends des pilules quelconques? Oui, parce que à cause de l'acide, la ça concentration, peut, ça tu peux fait... juste mourir sur le fait, voilà. En tout cas, bref. Fait que si vous prenez des Tylenol avec du jus de pamplemousse, faites pas ça. La dernière fois, j'ai averti Mathieu, il a failli mourir. Ouais, directement devant mes yeux. Bon, on boit? On boit, let's go. Ah! Ben, je vais t'avouer que froide... Ouais. Parce que là, il est température pièce. Ben, est froide devenue température pièce depuis le début de l'émission. Parce que je l'ai acheté juste avant l'émission. Je trouve pas ça mauvais. J'aime pas tant le goût de cette bière-là, on dirait. Ça me fait penser à, ça me fait penser à de la Choc Top. Parce que le goût de la bière reste vraiment... Moi, j'aurais préféré que le goût de pamplemousse reste dans ma bouche, mais la bière reste là. Puis on dirait que le goût de la bière, je le garde pendant genre des heures après. Là. J'ai comme une haleine de bière. Puis... De la Choc Top mélangée avec de la Old Garden. Wow, tu connais vraiment ça, hein? Mais ça goûte vraiment. T'as de la bière blanche mélangée avec. Toi, t'as des marques, t'as les sortes, t'as les Ouais, mais de la Choc Top, c'est déjà à l'agrumes, c'est déjà à l'orange. Oui, c'est vrai, t'as raison. Puis la Old Garden, c'est déjà un petit peu plus agrumes aussi. Je comprends, oui, ça goûte en effet la Old Garden, mais quand t'en parles, j'ai commandé une Old Garden l'autre jour, oui, ça goûte ça. Et voilà. T'as raison. Une fois que je sais de quoi tu parles, t'as bien raison. Mais on est loin de la moufette de la Heineken. La moufette. Mais tu vois, j'haïs pas ça. J'haïs pas ça de pente. C'est pas mauvais, mais je... Mais je me saoulerais pas à ça, là. C'est beaucoup en même temps. Tu sais, mettons, t'as un feu ou un barbecue avec certains amis, tu t'en amènes deux. Mm-hmm. Après ça, bois de la bière normale. Ouais. Je pense que mon problème, c'est vraiment que j'aime de moins en moins la bière avec le temps. Et moi avec. Ouais. Ouais, pas sûr. Mais c'est pas mauvais, l'idée est bonne, l'exécution est pas super. Pour ceux qui aiment la bière, c'est quand même bon. C'est vraiment, ça le dit, là, même sur la canette, bière légère, aromatisée. C'est encore pire que de la bière normale. Mais on dirait, je sais pas. Tu sais, je rote là, puis je le sens, le pamplemousse. Mais en tant que tel... Ouais, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai l'impression qu'après une, t'as plus le goût de goûter le pamplemousse. Non. Fait que tu sais, tu t'en tiens à une ou deux. Tout à fait. Bien d'accord avec toi. C'est fait peut-être plus pour partager que d'autres choses. Donc, la Rickers Rattler au pamplemousse. Moi, personnellement, je vais mettre mon pouce en... bas. En bas? Dans le côté. Sur le côté. Moi, je vais le mettre en haut. Mais tu sais quoi? Je serais du genre à la faire refroidir vraiment très, très longtemps au congélateur, avant de boire. Peut-être? T'es pas au congélateur. Bac même à pas, glace. Pas prête à mettre de la glace directement dedans parce qu'on s'entend, c'est de la bière. Mais être certaine que ça ait passé minimum 3 heures dans le frigo avant. Maintenant que j'y pense, la chaux dépanneur était pas réfrigérée. En plus, j'ai oublié ça. J'ai oublié ça. Parce qu'en tant que tel, elle est quand même un petit peu froidesque. Ouais. Mais était vraiment à température pièce au dépanneur. Bref, pouce sur le côté pour moi, pouce en haut pour toi. Donc, Rickard's Rather, pamplemousse rose. Moi, j'ai acheté en dépanneur, donc vous allez en trouver facilement. J'imagine que c'est du Rickard's, donc ils ont un bon réseau de distribution. Voici une grosse pointe d'allresse. Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte à un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en épicerie, en magasin, en dépanneur, peu importe. On s'en fout, en autant que ça goûte bon, ou espérons-le que ça goûte bon. Ouais, espérons. Et qu'on n'a jamais goûté avant. C'est ça, la règle d'or, c'est quelque chose qu'on n'a jamais goûté avant, ni toi, ni moi. J'espère, en tout cas. Le hasard fait bien les choses, habituellement. Jusqu'à maintenant, on a fait sûrement, j'imagine, une bonne... je sais pas, j'ai envie de dire... soixantaine de chroniques, ouais, je sais pas trop. Approximativement. En fait, j'ai commencé sur assemblagerequis.com. Si vous allez voir, dans la section chronique en haut à gauche de la page d'accueil et de pas mal toutes les pages, il y a un lien chronique et dessus, il y a une grosse pointe d'adresse. J'ai commencé à lister les produits en ordre antichronologique. Donc, je suis rendu à l'automne dernier. Il va falloir après ça faire l'hiver et l'automne d'avant ça. Donc, la moitié est faite à peu près. Donc, les liens vers les sites de produits et vers les émissions dans lesquelles on a goûté à ces produits-là pour pouvoir écouter la balado-diffusion. J'ai une bonne partie de la job est faite. C'est sur assemblagehockey.com dans Chronique Une Grosse Pointe en reste. Ça pour dire qu'aujourd'hui, Tania, c'est notre mois thématique du mois d'août. Oui, oui, tout à fait. On goûte à des choses qui se boivent pas mal beaucoup dans ce mois d'août. Jusqu'à maintenant, est-ce que c'était en juillet ou en août qu'on a goûté à du thé glacé, entre autres? Je pense que c'est fin juillet. On a eu le café glacé Tim Hortons il y a quelques semaines. On a goûté à de la bière au pamplemousse rose la semaine passée. Et cette fois-ci, je t'ai amené de la... Est-ce que tu aimes la root beer? Ah oui, quand même. Ouais. Pas tant que ça, mais un peu? Ouais. Je t'ai amené de la root beer artisanale dans mon sac ici. J'ai vu ça au dépanneur à côté. C'est souvent là que je prends mes produits parce que j'ai déménagé au mois de juin. Et ça donne qu'il y a plein de produits que j'avais jamais vus dans ce dépanneur-là. Donc, c'est sûr que j'en profite. Ben oui, hein? On aime tout le temps ça. Donc, voilà, ça s'appelle la racinette alcoolisée de Baron artisanale. Je n'avais jamais vu ça. Moi non plus. C'est super beau. 5,9%. C'est alcoolisé. Oui. 5,9% d'alcool. La raison que ça m'a attiré l'œil, c'est que j'avais goûté il y a quelques semaines au... vous avez sûrement vu à la télé, on avait parlé avec Lintan il y a quelques semaines, la Mad Jack. À la root beer, que j'ai vraiment trouvé dégueulasse. J'ai eu la misère à finir les 6. J'ai vraiment, vraiment pas aimé ça. Ben, c'est comme la semaine dernière, on a beaucoup aimé la première gorgée au pamplemousse, puis après une canne. C'est drôle, moi non plus, la semaine passée, je pense que j'avais mis mon pouce sur le côté, ou peut-être même par en bas. En bas. J'ai fini par boire pas tout le reste des 12, là. J'en ai quand même bu au moins 5-6 depuis, puis je commence à aimer ça. Ah ouais? Mais c'est après une canne, là, j'ai trouvé que ça tombait sur le gueule. On dirait que j'ai besoin de plus qu'une fois pour aimer les choses dans la vie, des fois. Ça me rappelle l'époque du poste d'écoute où on écoutait des disques en ondes. J'aimais ça la première fois. Fait tout le temps deux, trois écoutes avant que j'aime ça. Bref, peu importe, hein, je suis de même. C'est la vie. Donc, j'ai pas aimé les Mad Jack Root Beer. J'espère que ça va être meilleur. Parce que c'est supposé goûter la vraie Root Beer antique. Okay. Genre d'origine, comme la vraie Root Beer qui était vraiment faite avec de la racinette. Là, okay. Root Beer sucrée, genre de... IW, c'est pas pareil du tout. Je cherche les informations et il n'y en a pas. Il y en a zéro, là. Absolument pas. Oh, en dessous un peu. Oh, OK. Belle place mettre ça. Ben hein? Oui, hein, surtout quand que c'est tout ouvert comme ça dans le haut. Ouais, c'est ça. Donc, ça dit la recette classique du Baron, Old Fashioned Baron Root Beer Float. Ça dit, OK, bon. Ça dit mettre une boule de crème glacée à la vanille dans un grand verre, verser la racinette alcoolisée Baron sur la crème glacée, garnir avec un filet de sirop au chocolat et savourer. Ah, c'est pour faire une recette. Une flotteuse? Oui. Qu'on appelle? Un flotteur. Bref, il n'y a pas d'autres informations. Il n'y a même pas d'informations sur genre qu'est-ce que c'est Baron. Je comprends pas, mais bon, hein? Qu'est-ce que tu veux? Ils veulent juste qu'on y goûte. Mais oui, ils disent que les alcooliques savent pas lire. Donc, je t'envoie, c'est une... Envoie-moi le pas. Non, hein? Je vais aller chercher. J'ai de la misère à te l'envoyer. C'est une petite... comment t'appelles ça? Un petit rack de 4 bouteilles. Et c'était en spécial à 10$ au dépanneur. Ah, d'accord. Quand même. La semaine passée, pour comparer le pack de 12 de bière au pamplemousse, c'était 17$. Est-ce que t'as dit le pourcentage d'alcool? 5,9. Oui. Tu trouves ça beaucoup ou pas beaucoup? Mais c'est quand même élevé. Ouais. Pour de la bière? Ben, pas spé. Pour de la root beer, oui. Pour de la root beer, oui. C'est ça. Donc, toi, tu t'es rincé un verre de café glacé de la chasse. Ouais. Moi, je vais prendre la bouteille à la fin. Hein? Je sais. Puis là, on sait pas s'il faut l'ouvrir avec une autre bouteille. D'après moi, oui. Oui. Oui, c'est ça. Hein? Ouh, je suis vraiment feluette, là. La chasse-galerie nous a encore une fois prêté... J'ai peur de tout échapper. Ouais, mais rapproche-toi le micro. C'est bougeable, ces trucs-là. Et voilà. On y va comme ça. Êtes-vous prêts? Avez-vous entendu le beau, beau bruit? C'est très bon. Je vais y aller même. Wouh! C'est fort! Je me demande c'est quel genre d'alcool qu'ils ont mis dedans parce que clairement, c'est pas de la bière. Non, il n'y a rien écrit sur la liste. Il n'y a même pas d'ingrédients. Je sais même pas. Est-ce qu'il y a des informations sur la bouteille? Oui. Lis sur la bouteille. Ben non, je crois que c'est exactement la même chose que ce que tu avais dit. Boire de façon responsable. Voici les ingrédients. Eau carbonatée. Carbonaté. C'est vraiment ça qui est écrit. Liqueur de malt, glucose, fructose, caramel. Ouais, pour la couleur, ça. Arôme naturel. Et c'est fait à Terrebonne. OK. Puis ils disent quand même au carbonaté. Au carbonaté, oui. t'avais raconté la petite histoire? Non. OK. Je vais la dire ici. Ouais, s'il te plaît, ça sonne vraiment trop écho dans l'autre micro. Ça dit « Baron a été développé pour l'amateur de racinettes traditionnelles. Vous y reconnaîtrez des notes de vanille, menthe, thé des bois, et de salsé pareil. » Ça, je sais pas c'est quoi de la salsé pareil. Pas une plante, ça? Peut-être. Qui crée une boisson épicée et rafraîchissante. Donc, de ce côté-là, ça devrait être épicé et rafraîchissant avec des notes de vanille, menthe et thé des bois. Miam. Donc, on va revenir sur ce que tu viens de dire. Le sarsaparille, c'est une espèce de plante de la famille des smilacacées, parfois appelée liséron épineux. On consomme les jeunes pousses et de même que plusieurs autres plantes du genre smilax, elle est utilisée pour ses vertus médicinales. Alors que carbonaté est apparemment un mot. Hein? Ben oui, je ne savais pas. On va aller voir la définition. Carbonaté qualifie une roche constituée principalement de carbonate qui contient de l'anhydride carbonique ou encore qui a été convertie en carbonate. Donc carbonaté. Hmm. Et bang! Bang! J'y vais, je la verse dans le verre. C'était si mal dit. Je la verse dans le verre. Et ça pétille sur un méchant temps, ça. Entendez-vous? Oui. Mathieu, je pense que j'ai fait vraiment moitié-moitié, là. Je vais aller te l'amener. Merci, merci beaucoup. Service aux tables. Serveuse? Oui. L'addition, s'il vous plaît. 2 plus 2 égale 4. Merci, Tania. Donc, c'est la root beer artisanale Baron. Ça dit tradition et expérience. 5,9% d'alcool, 355 ml. C'est une boisson alcoolisée au malt, Tania. Comme on l'a dit la semaine passée, Ça sent genre le whisky. Attends un petit peu. Sens-le donc. Est-ce que t'es un amateur de scotch ou de whisky? Ça sent le médicament. Ben, je trouve que... Je trouve que ça sent un peu comme... Du Jager. OK. Mais on y reviendra au whisky tantôt. J'ai envie d'en parler avec toi, si tu peux me le rappeler tantôt. On parlait, il y a quelques semaines, du fait qu'en dépanneur, il me semble qu'en dépanneur et en épicerie, ils peuvent pas vendre, genre, de l'alcool pur, vodka, des trucs non, comme c'est ça. Vrai. Fait que je pense que c'est ça, le malt. Mais il faudrait vraiment que je me renseigne là-dessus. Peu importe. Je pense qu'on a tout dit. On goûte? T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ah, ça va pitié dans mon nez. Ouais, okay, température 3... pièce, on le rappelle. 3, 2, 1, go. Premièrement, c'est meilleur que du Mad Jack. Ah ben, c'est meilleur que la bière de la semaine passée. Oui. Le goût est très sucré. Ça oui. coule très bien. Je ressens pas nécessairement ça. Ben oui, je le ressens un petit peu, ce petit goût de vanille. Un petit peu, oui. À la fin, ce petit goût épicé là, qui cherche là, de thé des bois. Oui, ça, ça goûte pas trop l'alcool à la première gorgée. Continue. Non, ça sent plus l'alcool que ça le goûte. C'est peut-être traite à ce point-là. OK, on le goûte un peu, mais... À la deuxième gorgée, ton alcool ressort plus. C'est comme... On dirait que c'est... T'as la sensation de brûlure dans l'œsophage? De l'alcool? Ouais. Ben, c'est pour ça que je disais que ça sentait le whisky. Ouais. Parce que quand tu bois du whisky, t'as vraiment cette impression-là aussi, des fois. Ouais, c'est le corps au complet, je pense, qui brûle le whisky. Je vais enlever mon... Ça me fait penser à des Jager de tantôt. Parce que c'est vraiment juste au nez. Mm-hmm. Je trouve que ça pourrait être quelque chose que tu pourrais mélanger à du Jager, mettons. Ah, peut-être. En tout cas, on peut le mélanger avec la crème glacée, puis ça me tente en maudit. Ah ouais, c'est quelque chose que tu vas tester ce soir? Je vais gargariser, toi. Hey, faut pas le caler, là, on va être fou. J'aime ça. J'haïs pas ça pantoute. C'est même pas mal bon. C'est ça assez goûte pas doux. La bière, ça goûte vraiment zéro pas la bière. Zéro la bière. Ça goûte zéro la bière, et même que je dirais que ça goûte quasiment juste la root beer. Quasiment. Mais moi, j'aime ça, la root beer. Et ça goûte pas la root beer traditionnelle avec du... genre saveur de gingembre que j'aime vraiment pas. Je le sens là, ce petit effet de le petit... chaud. Ouais, le petit chaud. Mais je l'aime celui-là. Ouais, ouais, il est pas déplaisant. Ça fonctionne très bien. Encore une fois, il est température pièce, froid, ça doit encore meilleur. Ça doit être très très bon. Et avec de la crème glacée, le summum. Je sais pas avec de la crème glacée. Ah oh, oui, comme chez IW, tu peux te faire ça un flotteur. Hein? Ouais, je sais. Essaye-le. Mais t'es intolérant au lactose, tu bouffes de la crème glacée. Oui, voyons donc. Voir que je vais m'empêcher de vivre. Au pire, ça me fera un trou dans le colon. Au pire, j'avais un petit sac pour faire mes besoins. Regarde. On commence à avoir faim, parce qu'on mange jamais en deux clans. Oui, c'est ça. Bien ça. Donc voici une grosse pointe Aldress. Une grosse pointe tendresse, c'est la chronique dans laquelle on mange un produit du tiroir, c'est-à-dire trouver un dépanneur en épicerie, dans les rangées de malbouffe, ou même dans des produits santé, ça peut être à peu près n'importe quoi, en vrai qu'on ne l'ait pas essayé avant, c'est la seule règle qu'on s'impose. Donc, cette semaine, Tania, je t'ai amené quelque chose qui, je crois, est pas mal santé. J'ai vu ça dans les petites rangées, là, en vedette dans l'épicerie où je vais, c'est-à-dire que c'est pas un... c'était pas caché, mettons. Okay. C'était pas dans la section produits bio. C'était en vedette, donc ils voulaient qu'on l'essaie. D'accord. C'est marqué nouveau dessus, fait que j'imagine que c'est nouveau, même si des fois, j'ai encore vu des produits qu'on a testés littéralement en juin dernier 2015 à l'émission avec Stéphanie Paradis, ouais. qui est encore marqué nouveau sur le sac. Fait, c'est ouais. relatif nouveau. C'est ça. C'est les Miss Vickies au fumé de noyer de je sais pas quoi, pommier. OK. Le sac mauve, là. Oui, c'est oui, encore oui. marqué nouveau dessus. Hey boy. On les a goûtés en juin, mais... C'était temps d'en recevoir d'autres. Tu veux dire... donc, non, aujourd'hui, je te présente les salmas. OK. Les salmas, qui sont des craquelins de maïs cuits au four. J'ai pris en photo le présentoir à l'épicerie. Est-ce que je l'ai pris en photo, finalement? Je pense que je l'ai peut-être pas pris. Il y avait un slogan vraiment très, très mauvais, puis je voulais le garder. Mais je l'ai pas gardé. Zut. Oh non! C'est pas grave. Donc, c'est les salmas de Sanissimo. Ah oh, oui, c'est bon en Sanissimo. C'est bon en Sanissimo. Parce que c'est le nom de la marque, Sanissimo. On va se passer de tout commentaire. Ouais, même pas de jeu de mots là-dedans. Hein? Non. Donc, nouveau, Sanissimo Oven Baked, donc cuit au four. Hein? Salmas craquelin de maïs cuit au four contient 4 ingrédients, sans saveur ni colorant artificiel, sans gluten. C'est marqué dans une petite bulle. C'est un rond jaune avec une main qui saupoudre et c'est marqué avec une pincée de sel. Une pincée de sel. La boîte est très, très carton nu. Ouais, hein? J'imagine pour faire très, très vert environnemental, carton recyclé, quelque chose. C'est marqué projet sans OGM vérifié. Utilisation suggérée, on nous montre 3 craquelins, un par-dessus l'autre, avec, j'imagine, un petit peu de fromage ou de crème sûre. Non, sûrement, c'est plus consistant que ça. Je crois que c'est du fromage. Avec des tomates en dés et un petit peu de d'herbe okay. sur le dessus. À l'arrière du paquet, on dit qu'on peut savourer ça avec de l'houmous, oui. Des tranches de tomates, ben oui. Fromage cheddar fondant, pas du fromage cheddar, en tout cas, faut que ce soit fondant, et salsa, thon émietté, tomate cerise et rocket. OK. Hein, donc on mange ça avec Maurice Richard accompagné à la table. C'est ça. Ça dit veuillez recycler sur la boîte et ça dit que chaque boîte provient de fibres recyclées à 100% et que l'encre utilisée provient d'encre végétale à 100% et notre emballage est recyclable à 100%. Donc, comme j'ai dit tantôt, c'est pour avoir l'air le plus naturel possible. Certifié sans gluten, il y a beaucoup d'informations sur la boîte. Hein? Ouais, quand même. 70 calories pour 3 craquelins. Le côté a aussi des informations. Seulement 4 ingrédients. Découvrez le goût de maïs délicieux de ces craquelins cuits au four. Léger, croustillant et préparé selon une recette simple. De l'autre côté de la boîte, ça continue encore avec les ingrédients qui sont vraiment peu nombreux. Hein, comme on dit, 4 farine de maïs à grains entiers, en voilà un. Mm-hmm. Du sel. OK. Hydroxyde de calcium, en troisième. Et des tocophéroles. Ah, ben oui! En quatrième, évidemment, comme tous les produits, du tocophérol. Ingrédients d'origine végétale pour maintenir la texture croustillante, disent-ils. Ah, mon Dieu, OK, il y a la définition. Hey, je te jure, je pensais pas avoir... Tu sais, je me disais, je ferais pas de recherche dans cette chronique-là. Pas besoin. C'est une vitamine E. Vitamine E, voilà. C'est un produit du Mexique. C'est importé par Canada Bread Company Limited, boulangerie Canada Bread Limited, de Etobicoke en Ontario, au Canada. Et c'est bon jusqu'en mars 2017. Voilà. On a tout dit, vraiment, je pense que j'ai fait le tour de tous les couvercles. Simplement Saint est un autre logo qu'on a sur le dessus de la boîte. Ah, il y a de quoi en dessous aussi, ça n'a pas d'allure. Considération importante, conserver les craquelins salmas de Sanissimo dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. Les craquelins salmas de Sanissimo absorbent rapidement tout liquide. Si vous les garnissez de tartinade, veuillez le faire tout juste avant de servir afin de conserver leur texture croustillante. Mmh. Est-ce que tu as déjà vu des craquelins qui disaient sur leur emballage de ne pas les tremper dans le coin de mouillé? Non. C'est spécial. Ouais. On se met pas ça n'importe où. Faites attention. Donc je t'envoie la boîte, Tania. Oups. C'est ton abat. La colonne de son est toujours bien, bien heureuse de se faire abattre chaque fois que j'envoie pour ouais, de ce côté-là. Ça, hein? Ah, OK, je peux tirer. Moi, je m'en allais l'ouvrir différemment. Toujours une nouvelle technique. Est-ce que tu sais si c'est emballé individuel? J'imagine en portion de 3. J'ai aucune idée. Ça, c'est la première boîte que je réussis à ouvrir de façon ouais. correcte. Mais la boîte est très épaisse, donc c'est facile d'enlever le dessus, la petite languette. Comparé à d'habitude. Cuit au four, simplement sain, tout simplement délicieux. Ah, wow, ça, c'est tu ferais une belle pub. En dessous de l'étiquette. Tu ferais une pub, là, ah, de fou. Ah, mignon. Il y a 3 craquelins par emballage. Et par une mignon, c'est très jaune. Un jaune de moutarde, jaune. Je te dirais, qu'ils ont mais, choisi. Mais, tu sais, là, les Belvita. Belvita, oui. Ça ressemble vraiment gros à ça. Oui, c'est vrai, tout à fait. Je préfère les Belvita mous, mais il y a des Belvita... croquant. Ah, puis sachez-le, hein, le projet a été certifié sans OGM. Wow. Incroyable. On ouvre les salmas de Sanissimo. Bon en Sanissimo, selon leur slogan. C'est pourri comme c'est ça. C'est vraiment mauvais. OK, ça a vraiment l'air... Si vous voulez que je vous dise de quoi ça a l'air... Sec. Ça a l'air d'une... Tu sais, il y a du carton brun dans la vie, là. C'est contreplaqué, c'est ça? Que si tu mouilles, ça fait ça. Mais ça a l'air un peu d'un pita aplati, vraiment comme trop cuit. Ouais. Et qui sent pas grand-chose, non ça plus. Ça sent pas le saupoudré de sel, comme ils disent? Ben, un petit peu. Ça sent un peu le tortilla, je trouve. Ben, c'est une bonne chose, parce qu'on aime ça, les tortillas. Hein? Ouais. Donc... on a trois dans le paquet, on est deux, fait qu'on va... Tu sais, genre, pas les Tostitos, là. Non. Les sortes de... Maison, mais ouais. Équivalent à Tostitos pour la trempette, mais ça goûte jamais à même affaire que les Tostitos. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. J'ai vraiment l'impression que c'est la même chose. Ça sent rien, mais t'as raison que ça goûte... Ça sent vraiment pareil comme des cheap tortillas, genre chaud du président. Ça reste bon. On va voir si ça goûte la même chose. J'ai hâte de voir le saupoudré de sel, parce que j'en vois un petit peu, c'est du gros sel, hein. T'as vu, les grains de sel sont très gros. C'est vrai. On y va? Boucher? J'aime ça, ce goût-là. Ils sont meilleurs que les Tostitos cheap. C'est vraiment bon. Ça goûte en effet le petit, la petite saveur de brun, tu sais, genre, comment t'appelles ça? Grillé. Le tortilla grillé. Tu sais, mettons, là, quand tu vas... Ah oui, j'ai l'exemple parfait. Quand tu vas chez Pita Pit. Oui. À l'entrée, tu peux goûter à des croustilles avec leur petite sauce. Hein? Ça goûte ça. C'est pas bon. C'est très bon. Mathieu. Je mets un pouce vers le haut. Moi aussi. Miam. Très, très bon. Je m'attendais pas à ça. Ça avait l'air vraiment brun. Et je suis parfaitement rassasié. Et surprise. Ben, moi, je suis surpris. Ben, ouais, c'est ça. Mais je suis surprise du goût, en fait. Vraiment bon. Salmas par Sani, c'est bon. Fais-tu dispendieux? Je ne me souviens pas. J'étais sûr que j'avais pris en photo le présentoir. Mais je l'ai pas pris, malheureusement. Et où l'as-tu acheté? Chez Métro, comme toujours. Voilà. Il pourrait tellement commanditer l'émission tellement que, ou la chronique tellement qu'on en parle souvent dans ce métro-là. Il y a 8 paquets quand même là-dedans. 8 paquets de 3, c'est beaucoup. Ouais. C'est quand même beaucoup. Il me semble que c'était dans le coin de 4$. Ah, mon Dieu, c'est bon. Je crois que c'était 4$. On aime ça, on aime ça, on aime ça. 2 pouces en l'air. Salut Simon, Salmaz. Restez des nôtres parce qu'au retour de la pause, cette édition spéciale d'Assemblage Requis continue. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Bonjour à Assemblage Requis, édition spéciale, une grosse pointe en dresse pour le mois d'août à novembre 2016. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. On approche de la fin de ces émissions-là. C'est 3 émissions de 3 heures. On parcourt de novembre 2015 jusqu'à novembre 2016, une période d'un an qu'on n'avait pas encore fait de spécial, une grosse pointe en dresse. Fait qu'on a tout mis le paquet là-dedans. OK, oui. Et pour mettre le paquet, on a mis le paquet. On s'est mis le paquet pas mal fort. Et en plus, on ne fait que des démonstrations, des dégustations. Pas de nouvelles de fast-food. On y va bang, bang, bang, bang, produit par-dessus produit. Les produits que les jeunes nous ont apportés, je me rappelle, entre août et novembre cette année, c'est là qu'on a reçu vraiment des produits de plein de nos chroniqueurs. La générosité est là, alors que d'autres font juste manger. C'est pareil à un buffet de Noël, en fait. C'est pareil comme même ça. Chose. C'est la même chose, mais pas exactement. Pas exactement. C'est similaire à... ça prend par surprise, c'est presque ça. Mois d'août à novembre, ça continue à l'instant. C'est la chronique Fast Food, la chronique de Malbouffe. Voici une grosse pointe en dresse. C'est une grosse pointe en dresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte à un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit de malbouffe acheté en dépanneur, en pharmacie, en épicerie, dans un endroit où on ne devrait pas être physiquement, de peur de se faire arrêter par la police du gras ou la police du sucre ou la police... notre micro 3, qui est notre micro magique, qui s'en vient pour plus tard dans l'émission, a vraiment de la misère à tenir parce que nos élastiques datent d'il y a 2-3 ans. Donc on va changer de micro magique pour un autre. Ah, c'est beau, Tania, t'as bien fait ça. Merci, merci. Ça a même pas paru. Mais non, je sais. C'est pas du fait qu'on a des caméras en studio pour nos téléspectateurs de Chine. Oui, je sais. J'aurais pas eu à le dire. Ça fait longtemps, on les a pas salués, bonjour. Ça fait longtemps. Konnichiwa. Konnichiwa. C'est ça. Bref, aujourd'hui, et comme chaque semaine, on va goûter. Ah, chaque semaine. Ça faisait un bout qu'on n'avait pas fait depuis la semaine passée. Là. Je pense qu'on a passé presque un mois sans chronique. Mais bon, aujourd'hui, cette semaine, je t'apporte quelque chose de salé. Oh, OK. Parce que depuis les dernières semaines, en tout cas à la fin de l'été, on avait surtout des boissons. Oui, c'est vrai. Parce que l'alcool, le jeudi matin, c'est un petit peu plus difficile. Ouais, c'est plus tough. À partir de la semaine prochaine, je te l'annonce déjà, on va avoir un mois thématique qu'on n'a pas le choix de faire. Là, le mois d'octobre, c'est le mois des bonbons. Oui, oui, définitivement. Donc, pendant l'entre-deux, je te propose quelque chose de salé. Quelque chose qui apparemment est un peu santé aussi. OK. C'est écrit dessus, c'est la marque Smart Food. OK. Tu connais Smart Food, ouais, pour leur croustilles et autres. Et là, ils ont comme nouveau produit Smart Food maïs soufflé au jalapeno et cheddar. Oh! Ah, le sac est collant. Eww! Ah, c'est moins le fun, ça. On dirait que j'ai comme moins envie d'y toucher. Est-ce que tu avais mis d'autres choses dans le sac? Ben, je me souviens plus. C'est pas grave. Oui, j'ai acheté des bonbons pour les prochaines collées pour pas avoir à y retourner. Voilà, c'est probablement ça. C'est peut-être ça. Bref, Smart Food, maïs soufflé, nouveau dans un genre de petit, on dirait un grain de popcorn, le logo nouveau. Oui, c'est vrai. En petite ligne orange. Ça a été agrandi pour montrer la texture. La texture a l'air d'être très... moelleuse. Oui, moelleuse et je dirais orange comme du popcorn au cheddar. Oui. Mais avec des petits speckles, des petits glitters de verre pour le piment jalapeno. Oui, rassurez-vous, c'est pas de la moisissure, c'est des jalapenos. C'est ça. Est-ce que c'est censé être fort à cause des jalapenos? Ben, j'imagine que oui. OK. J'imagine. Smart Food, ça nous dit que du plaisir. Le maïs soufflé de la marque préférée au Canada est non seulement incroyablement savoureux, il est soufflé à l'air pour lui conférer son bon goût frais et est fait de grains entiers à 100%. Ils ont d'autres saveurs, entre autres cheddar blanc, que j'aime beaucoup, le popcorn au cheddar blanc, j'aime beaucoup ça. Ah ouais, mais il est orange le dessus. Non, j'ai dit d'autres saveurs. OK, OK, OK. Il y a aussi sucré salé. Oui. Cheddar et caramel, un classique. Il est très bon, lui. Oh oui, et le beurre soirée cinéma. Mmh. Oh. Donc, des saveurs, c'est nos autres saveurs excellentes, Smart Food, dit-il. Facebook, Smartphone Canada, et sinon, maïssoufflésmartfood.ca. Je ne vois pas vraiment d'autres informations pertinentes. Et Mathieu tient vraiment le sac avec dégoût, fait que j'ai peur de quand je vais l'ouvrir, ça va être comme quoi, gluant? C'est comme, non, c'est collant comme des bonbons en dessous et sur le devant, donc j'essaie de le prendre par les coins, je sais pas pourquoi. Plaisir garanti. C'est quand même spécial. Ah, je me rappelle, j'ai acheté quelque chose qui était pas pour la chronique, là, parce que tu t'en caches des bonbons. Tout ce bête en acheter. J'ai acheté des Airhead, c'est comme des bandes de sucre. Oui, oui, oui. Genre, je pense que c'est peut-être ça qui a fait ça. Bref, ingrédients maïs soufflé, huile végétale, assaisonnement. Les assaisonnements, c'est le reste de la liste d'ingrédients. La parenthèse s'ouvre avec maltodextrine de maïs et termine avec lait écrémé. Les seuls ingrédients sont maïs soufflé, huile végétale et assaisonnement. Ah, mais c'est bon, ça! Oui, ben c'est smart food. C'est fait pour être minimaliste. Puis, apparemment aussi que le popcorn, si vous êtes genre à vouloir manger salé le soir, vous êtes mieux de manger une tasse de popcorn qu'une tasse de chips. On suggère quand même de prendre sans saveur votre popcorn. Oui, aussi, pas de beurre. Contient les ingrédients du lait. C'est vraiment tout ce que je vois. Là. Je cherche et je ne trouve rien. Donc, je t'envoie le sac. OK. Pour le micro magique, moi, fais attention. Okay. C'est vraiment... J'aurais envie de petits savons à main, là, en ce moment. Mais j'en ai pas. Si seulement David Ferron, notre esclave, était là. Pour non, mais c'est clairement tes bandelettes de je sais pas quoi. De Airheads. Ouais, c'est clair que c'est ça. Ça veut dire que mon Parce tiroir... Parce que ça sent vraiment surette. Mon tiroir de C'est fou va être aussi collant. Je vais essayer de pas en mettre sur la console, pour vrai. Est-ce que tu es capable d'ouvrir ça en 30 secondes pendant que je vais chercher le savon? Est-ce que tu as ouvert le micro magique? J'ai... maintenant, oui. 30 secondes, j'en ai. OK. Je vais essayer d'ouvrir ça. C'est vraiment gluant. Je sais pas ce qu'il a fait. Je vais quand même tenter d'ouvrir le tout, mais... Tu sais, Mathieu a oublié de dire... Je sais pas ce qui s'est passé, mais il a vraiment oublié de dire qu'il en a échappé partout sur le sac. Donc, hey, voulez-vous les valeurs nutritives? Pour 4 tasses, quand même, c'est 260 calories. Donc, je pensais que pour une tasse, ça allait être beaucoup plus que ça. 22%. OK, on va pas parler de lipides parce que c'est quand même 22% de lipides. Mais si vous voulez y aller pour le calcium puis le fer, il y a du calcium et du bon, fer. Voilà. Au moins des avantages. C'est vrai que je suis revenu. Le micro magique est toujours ouvert. Je crois que c'est comme la troisième fois que j'ouvre un sac de façon correcte. Oui, ben bravo, hein. Faut bien que tu apprennes un jour. Brosse-toi le sac, ouais. Ouh! Oh là, est-ce que c'est le jalapeno ou le cheddar qui te fait sursauter? Cheddar. Le cheddar, ouais. Mais quand même avec une petite touche d'épicée, là. Fait que j'ai hâte de voir. Je m'en suis pris quand même un petit peu beaucoup. Voilà, Mathieu. Je tiens à dire que le vert ne paraît pas tant que ça. Le jalapeno a l'air vraiment en poudre. Ouais, ben j'imagine que c'est de l'assaisonnement chimique un peu. Là. C'est à saveur de jalapeno. D'habitude, sur le sac, il marque à saveur de. Ouais. J'ai vraiment essayé de. Ouais, saveur de. D'en prendre un ou qu'il y en a beaucoup dessus, comme genre celui que j'ai dans la main présentement ou qu'on dirait vraiment que c'est de la moelleuse. Moi, visuellement, je trouve qu'il y a des morceaux qui ont moins de saveur que d'autres. J'en ai pogné un quasiment blanc. Je vais en prendre trois dans la bouche en même temps. OK, moi j'y vais pour un, okay. Plein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de cheddar dessus et beaucoup de jalapeno. On y va? On y va. Oh my God. Mm. C'est quand même bon. C'est léger comme goût. Oh! Ça te kick? Il y a un kick? T'en as pas un qui en a beaucoup, toi? Je pense que je vais devoir en chercher un qui a plus de goût. Parce que non, en effet, je ne mais vois déjà, pas à la base, Mathieu mange plus épicé que moi. C'est ça. OK, j'en ai un bien plein. Là. Est-ce que c'est cheddar doux ou cheddar fort? C'est pas spécifié du tout. C'est juste cheddar. Mais je trouve ça très léger, mais j'aime quand même le goût de jalapeno, qu'il soit léger ou fort. C'est beaucoup moins puissant que des Miss Vicky's au jalapeno, mettons. Ah ouais? Beaucoup moins, je trouve. Je trouve vraiment que ça goûte un nachos avec beaucoup de jalapeno. Oui, ben dans le bon sens. Moi, je trouve que c'est réussi comme saveur. Mm-hmm. J'aime ça. Je mets un pouce dans les airs. Un pouce dans les airs aussi. Si c'est santé autant qu'ils disent par Smart Food, d'après moi, ça serait une collation qui serait assez utile à avoir dans la vie. Oui. J'aime ça, j'encourage les collations saines. Mais ah qui ouais? Goûtent, qui goûtent. Non, mais c'est vrai. Attends un peu. Non, mais je vais finir ma phrase. Rectification. C'est très drôle, j'avoue, mais je vais rectifier ma phrase en disant que j'encourage les collations saines qui goûtent les collations malsaines. OK. Aha. Voilà. Bien vu, Mathieu. Merci beaucoup. Je vais finir mes phrases. Ouais, c'est bon. Dit le gars qui arrête pas d'interrompre. C'est ça. Bref, les smart foods, saveur de jalapeno et cheddar. Mais soufflé, voilà. Je vais t'avouer que ceux qui n'ont pas beaucoup d'assaisonnement dessus goûtent pas mal plus le cheddar que le jalapeno. Ah, d'accord. Mais non, j'aime ça. Puis comme toujours, j'ai peur de m'étouffer si je mange ça de chez nous. Non, c'est... Oh, ouais, c'est vrai. Merci David pour ta participation avec cette chronique-là. Ben ça fait plaisir dès que quelqu'un parle de bouffe. Tu sais, je mange le zone campus, j'en mange le zone campus. J'adore ça, mais j'aime aussi d'autres nourritures. Ben tu parles de bouffe. Vas-y. Il mange tout le temps. Hey, c'est vrai. Non mais pour vrai, il mange probablement l'équivalent de 8 collations dans une journée environ. T'as comme un déjeuner divisé en trois parties. Ben, c'est vrai que quand moi je me fais un boîte à lunch, à 11h la boîte à lunch et le contenu est comme soudainement vide. Je sais pas pourquoi. Mais sa boîte à lunch, c'est la grosseur d'un cooler d'un gars à la construction. J'en ai déjà eu une plus grosse que ça. La raison pour laquelle tu parles que quand il y a de la bouffe, tu viens en studio, c'est parce que c'est le moment d'une grosse pointe d'allresse. Grosse pointe d'adresse à la chronique dans laquelle on goûte à un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en dépanneur, en épicerie, en pharmacie, dans un endroit, dans une allée où on ne devrait pas trop être vu en public parce qu'on va se faire juger parce qu'on mange mal. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, Tania, pendant que tu places le micro magique pour qu'il soit prêt pour ouvrir... en fait, c'est pas le micro qui l'ouvre, c'est toi qui l'ouvre très très lentement d'habitude. C'est si il ne tombe pas. Et pour faire la chronique aujourd'hui, on a David Ferron. Oui. Salut David. Salut! David de la chronique du Zone Campus et de la carte bleachée tous les mardis matin à 8h30, j'ai envie de dire? 8h30, c'est ça? Ben, je crois que oui. Il semble que oui. Quand la session commence, c'est difficile de retenir ces affaires-là. Donc, pour une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique, comme je dis, où on goûte à un produit et ensuite on parle de nouvelles de fast-food. Et aujourd'hui... Ah, il est là, je l'ai cherché. Où est-ce que j'ai mis mon produit? Je t'ai vu chercher, je sais pas où tu t'en vas. D'habitude, je le mets en bas à droite, là, j'ai mis en bas à gauche, en haut à gauche. Donc, c'est un produit suggéré par notre ancienne co-animatrice, chroniqueuse et amie, Stéphanie Paradis, que David connaît très bien. Elle m'avait envoyé ça par message texte il y a plusieurs semaines. J'étais allé à mon épicerie et je le trouvais pas. J'avais fait le tour, j'avais pas trouvé. Et là, quand je suis allé cette semaine, c'était enfin sorti. Je trouve ça un petit peu tard, vous allez voir pourquoi. Ce sont les... Attention... Passion flaky à la citrouille! Oh, ben oui, évidemment, on est en octobre, faut que Mathieu amène quelque chose à la citrouille! Ouais, c'est la thématique, ce mois-ci, oui, ça va être vrai. Soit la citrouille, soit des bonbons pendant tout le mois d'octobre, sachez-le. Donc, passion flaky, est-ce que vous êtes déjà des fans? Pardon? Fans de passion flaky. Oui et non. OK, la réflexion a été longue, David. Ouais, je sais. Ben, si les produits, en fait, les petits gâteaux passion flaky, ça serait des gens... Je serais un génocide. OK, donc c'est un nom, je prends ça pour un nom. Ça veut dire oui. Wow. Ça veut dire que j'aime ça. Tu sais, ça serait comme un génocide de cannibalisme. Vachon, okay. ça va aller, tu peux arrêter. Donc, Vachon étant le Hitler, j'imagine, des petits gâteaux. C'est ce que ça veut dire. Vachon qui existe depuis 1923. Prise hors contexte, là. Ouais, on va garder juste cet extrait-là. Donc, c'est en édition limitée, bien sûr, seulement pour le mois, j'imagine, d'octobre. Comme je l'ai dit, dans d'autres épiceries, c'était là depuis le mois de septembre. Ils sont vraiment pas dépêchés chez mon métro local. C'est à citrouille et épices. Oh, OK. Pumpkin Spice, comme ben on l'appelle chez Starbucks Cannelle. Et ailleurs. Il y en a 6 par boîte, emballées individuellement, bien évidemment. Tout ce qu'il y a à l'arrière, c'est des informations sur Vachon. C'est les mêmes à chaque fois. Je pense pas avoir à les lire au complet. Il y a absolument rien de nouveau. Même que je regarde sur le côté, Rosanna Vachon qui a fondé sa boulangerie familiale, ça existe depuis plus de 100 ans. Rien ne rime si bien avec... Ah, il y a des nouvelles informations ici. Rien ne rime si bien avec l'automne que ce feuilleté à saveur de citrouille épicée. Voilà une parfaite pâtisserie pour savourer pleinement la saison colorée. Oh! C'est joli, hein? Tous les côtés, rien de nouveau. Contient du lait, peut-être, arachide et ou noix. Vachon.com, boulangerie Vachon Inc. Voilà, j'ai fait le tour du texte. Je te passe l'emballage, Tania, pour que tu puisses l'ouvrir dans le micro magique. Merci beaucoup. Qui nous attend depuis la semaine passée. Je suis en train de vérifier s'il n'y a pas... tu sais, des fois, il y a un endroit spécial là, avec des petits pointillés, ouais, mais ouais. Non. Fait que si vous me permettez, je vais ouvrir ça à la bonne franque. Oui, avec ton talent qu'on connaît si bien. Arrête de rire de mon talent d'ouvrage de boîte. C'est juste parce que t'es jaloux. Elle s'est mis le doigt vraiment profond quand même là-dedans. Hein? Je n'ai rien à dire là-dessus. J'adore le doux. Est-ce que vous voulez un chaque-sac? Un sac-chac. C'est comme vous voulez, vous autres. Je sais que David va en prendre 3, je pense, dès le départ. Voilà, David. Mathieu, je te lance. Merci. Il me semble qu'on était plus petit, c'était plus gros que ben, ça. Ben, j'avoue qu'ils sont vraiment tout petits. Tout petits. Oui, le micro a fini par tomber. Hein. Ouais, ces élastiques sont morts. Tout est mort sur ce micro. Tout est mort dans le studio. Je te dis que les choses ne durent pas longtemps avec autant d'animateurs. Bon, David, laisse-le pendre. David, c'est mieux de le laisser pendre, s'il te plaît. Fais juste le tenir pendant que j'ouvre le sac, vous entendez? Ça, dans le temps habituel, c'est des choses qui peuvent se brasser un petit peu plus, mais là, ça se brosse mal un passion freaky. David essaie de brasser le micro, ça marche pas tellement. Hey, ça sent pas tant la citrouille. Okay. Ça sent plus la cannelle, mettons. OK. Ben, c'est une des épices, j'imagine. Ah, on n'a pas lu dans les ingrédients les épices qu'il y avait dedans. Oh. Avant de goûter, on pourrait faire ça. OK, attends. Ingrédients. Alors, repart ton autre micro, par contre, ça, s'il te plaît. OK. Donc, ingrédients. Farine de blé enrichie, garniture citrouille et épices. Donc, on parle de sucre, eau, glycérine, purée de citrouille, fécule de maïs, arôme naturel, aluminium de sodium, citrate de calcium. Tu peux en sauter une coupe de scientifique. Il y a des fibres d'agrumes. Oh, je nice. Sais pas c'est quoi des okay. fibres d'agrumes. Si il y a du pamplemousse, j'aime ça, hein, David. On aime ça. On répète qu'il y a de l'épice, il y a de l'huile de palme. Ah, comme huile de palmarès, la chronique au palmarès. Mais oui, de la protéine de soya. OK. On répète de la fécule de maïs. Il y a pas mal de fécule de maïs là-dedans, les amis. Ils l'ont écrit entre chaque compte ingrédient. OK, c'est pas de la crème de tarte, c'est de la crème de tartre. Tartre, oui, OK, comme sur les dents, oui. Oui, il y a du colorant, de la gomme xanthane, de la gomme arabique. Puis ils disent pas ce qu'il y a comme épices. OK, c'est tout du fake. C'est la saveur d'épices. Écoute, ça dit peut contenir du lait, des œufs, des arachides ou des noix. Ça parle de garniture à la citrouille et épices, mais ils disent pas c'est quoi les épices. Bon, c'est pas grave, on a chacun ouvert notre emballage. David, il te reste le tien à ouvrir. Alors, on va pouvoir se prendre une bouchée très bientôt. Merci. Ah, c'est beau. Mais c'était pas dans le micro magique, je comprends pas pourquoi qu'on l'entend quand même. Mais parce qu'il est dans son micro. Ah, merci d'être aussi terre à terre. Ça fait plaisir. Tu gâches l'illusion. Non, excuse. Ah, excuse. C'est parce que c'est un micro magique. Lui aussi. Bon, elle a compris. Des fois, il faut lui expliquer. Oh, bon, Dieu. Donc, on est prêt à goûter. Est-ce qu'on prend chacun une. C'est tout ce qui m'énerve des Passion Flaky. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y a tout le temps de la crème qui sort sur l'emballage. Mais t'aimes pas ça quand ça sort prématurément de l'emballage, Tania? Non. Mathieu. T'as pas d'allure. On dirait que je fais exprès. Je sais, on dirait. Ouais. OK, êtes-vous prêts, là? Oui, on est prêts. David, il a déjà commencé. Sérieux, il est pas... Non, j'ai juste mis mes lèvres dessus. Ben oui, mais c'est là... ce qu'il dit. J'ai juste mis mes lèvres. Ouais, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit tout regarde, le temps. Là, il y a pas de morceaux, là. Ouais, t'inquiète, t'as raison. C'est pas du viol, c'est mis ses lèvres dessus. Mais avec plein de crème, on tourne. OK. Bon, attention. Là, c'est quand même flaky. Moi, je vais manger au-dessus de mon sac pour être sûr de ne pas faire de dégâts. D'accord. OK, on est prêts? Boucher, go. On goûte juste le flaky à date, là. Ça goûte le caramel, je trouve. Ouais, un peu, hein? Ouais. Il va falloir aller plus loin, je pense, dans le dans on le plat. Ressent le petit goût de citrouille à un certain moment. Ah ouais. Mais ça reste que les passions flaquées. Moi, je trouve ça vraiment très, très bon. Je préfère les millefeuilles en tant que tel, mais j'aime le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de flakes et beaucoup de flocons. Et le sucré est là. La citrouille un peu en arrière-bouche. Bonhomme pain d'épices. Ah, j'avoue. Je vais prendre une bouchée de milieu, voir. Ça goûte beaucoup le bonhomme pain d'épices. Ah. Selon moi. Comme toujours. Ah oui, OK. Ça goûte vraiment beaucoup, la citrouille, là. Je trouve que Vachon met jamais assez de garniture dans ses affaires. On dit à chaque fois. C'est vrai. Il y en a juste dans le milieu. Une petite... un petit squirt. Mais je trouve qu'il y a plus de crémage que... Que de gélatine. Ouais. Je sais pas si ça leur coûte beaucoup moins cher, le crémage, fait qu'ils en mettent plus. Mais pourtant... Mais ça vient adoucir le goût. On dirait que la citrouille est comme juste assez présente. Oui. C'est pas... ça vient pas C'est pas trop. Déplaisant. C'est pas un goût de citrouille déplaisant comme certains breuvages chez Starbucks. Ben, c'est ça. Exactement. Quand on entend citrouille épicée, souvent, on abuse de citrouille épicée. Oui. C'est du gros sirop qu'on met dans le fond du café qu'on brasse. Ici, c'est subtil, mais c'est présent plus que... OK, donc là, depuis le début de la chronique, il y a trois élastiques de péter sur le même micro. Ça va très bien. Le micro avait le quatrième était aveugle. Ouais, lâche-le, c'est ça, exactement. qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai dit que c'était pas trop dérangeant, la citrouille. Je sais pas où je m'en allais avec ça. Bref, peu importe. David a déjà terminé son passion flaky. David, est-ce que tu l'as même goûté? Je crois qu'il l'a... Il l'a aspiré. Ouais, c'est ça. C'est comme si ça a fait une bouchée. Mais on s'attendait à ça de David, c'est quand même assez caractéristique. Il a pas parlé du tout de la chronique, mais on l'a invité pour pouvoir manger un passion flaqué. Puis déjà, c'est quand même apprécié que tu sois venu pour ça. Exact. Ben merci beaucoup, je m'excuse, là, c'est comme instinctif, là. Ouais, c'est ça. C'est instinctif, ben, c'est comme, il est en train de mourir. Il a été élevé avec une famille de loups, faut dire, donc... C'est ça. C'est, il ne peut attendre, c'est, il doit manger immédiatement. Son père, il est Michel Louvain. Tu ne l'as pas loupé, celle-là. Oh, drôle! C'est exactement le bon timing pour manger quelque chose qu'on ne devrait pas manger. Voici une grosse pointe Aldress. Une grosse pointe tendresse, la chronique dans laquelle on mange quelque chose ou on boit quelque chose qu'on a acheté en dépanneur, en épicerie. C'est ce qu'on appelle la chronique des produits du tiroir. Pourquoi? Parce que littéralement, les produits, quand je les achète, je les sac dans le tiroir de mon bureau. Parce que c'est un grand tiroir profond, faut c'est dire vrai. Quand même. Ben oui. Il y a de la place là-dedans. Il y a de la place en masse dans mon jacuzzi, comme disait Radio. C'est rempli de bonnes choses, en fait de mauvaises choses que j'ai achetées en magasin. Mais c'est pas grave parce qu'on regarde pas sa ligne quand on fait cette chronique-là. Aujourd'hui, Tania, ben, premièrement, on est dans le mois d'octobre. Oui. Et j'ai un mois thématique de bonbons ou de choses d'Halloween. Genre, j'en ai plusieurs de prévues. Et là, aujourd'hui, je suis comme indécis à savoir qu'est-ce qu'on va manger. Je vais regarder dans mon sac et je vais te demander ton opinion à toi. Qu'est-ce que t'as envie? OK? C'est bon, okay. Ça? Ouais. Donc, t'as le choix. Il y en a un qui est plus genre choco-mante. Je sais que t'aimes bien ça. Ouais. Choco-caramel. OK. Ça va ensemble. T'as le choix entre deux options. Ouais. Option 1, choco-mante, choco-caramel. Deuxième option... C'est plus genre tropical et fruité melon pomme. Oh! Mais sûrement pas de vraie pomme. Ouais. Ça, j'y allais avec choco-mante, choco-caramel. Je pensais, c'était ma première idée aussi. Je t'ai amené, je sais pas si t'as vu ça, passer dans les dépanneurs. C'est les nouveaux Mentos. OK, non, j'ai pas vu ça. Mentos choco-mante et Mentos choco-caramel. Ah! Ça a l'air bon, hein? Oui. J'adore les Mentos, évidemment. Dans le Pepsi Diet, mais aussi directement dans la bouche. Tu sais, c'est l'affaire qui faisait exploser les bouteilles de 2 litres. Oui, c'est vrai. Donc, caramel et chocolat, ça dit caramel tendre fourré au chocolat. Et l'autre dit caramel tendre fourré au chocolat et aromatisé à la menthe. OK. Voilà. C'est aromatisé naturellement et artificiellement pour le choco-menthe et artificiellement complètement pour le choco-caramel. Il y a une petite différence entre les deux. C'est un produit de la Russie. Fait par Perfetti Van Mele Russia pour Van Mele Canada Limité. Pour voir l'effet de nutrition, il faut écrire une lettre papier Pour la valeur nutritive, il faut écrire une lettre papier au Perfessi Van Mele, P.O. Box 1890, Erlinger, Kentucky. Ouais. C'est quelque chose. Wow, hein? Mais il y a assez de place pour un gigantesque code barre sur l'emballage. C'est tout ce qu'on a réussi à mettre. Sinon, on peut écrire Consumer Requests à commercialca.pvmgrp.com. Ils sont sur Facebook, facebook.com/Mentos. Il y a les ingrédients, par contre, en dessous du petit papier. J'ai choisi au hasard, parce que c'est plus facile à lire noir sur orange que noir sur vert foncé, de lire les ingrédients de chocolat caramel pour vous. Un petit peu. Donc, ça commence, évidemment, tu ne seras pas très surprise par du sucre. Sirop de glucose. Où sont les trucs en français? Un instant. Oui, sucre, sirop de glucose, chocolat mi-sucré. Ça, c'est pour, évidemment, la portion chocolatée. Poudre de cacao, lécithine de soya, vaniline, arôme artificiel, lait condensé sucré, dextrose, lait en poudre, sel, gomme arabique, arôme artificiel, huile de coco. Mm-hmm. Hein? Et dans les... dextrine, mono et diglycérides, cire de carnauba. Parmi les allergènes, il y a le lait et le soya. Alors que... Oui, c'est la même chose pour les deux, finalement. Oh! Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il y a une petite icône pour ouvrir ici. Je crois qu'il y a une ouverture facile. OK. Un peu comme dans les publicités, des fois, le chocolat s'ouvre en faisant genre... Oui! C'est un peu la même chose sur les Mentos, mais ils l'écrivent, donc t'es supposé pouvoir le faire. Je te lance ça un par un. T'es le ninja. Wouh! Et fou! Ouais. Je pense que t'as raté les deux. La coordination, là. Pas super, là. Parfait. Hein. OK, fait que c'est marqué « Ouvrir ici ». Oui. Essayer d'ouvrir ici, ça aurait dû dire. Oui, parce que, tu sais, en temps normal, là, exemple, sur un paquet de gomme, ça va être déjà pris... Perforé, c'est-tu. Perforé ou déchiré. Là, non, c'est... Ça valait pas la peine. C'est juste, faut t'essayer. Hey, c'est dur, en fait. C'est dur, c'est censé être facile. Pas vrai pendant toute cette affaire-là. Et voilà. Oh, OK, bon. Bon, ils sont pas emballés dedans, au moins. J'en prends affaire, un. Oui, prends-en. Je... Tu me l'envoies et t'en prends un autre de l'autre? Ouais, je le ferme puis je te pitch le chocomante. Merci. Je sais pas si vous avez vraiment bien entendu, mais tout à l'heure, je l'ai fait avec ouvrir ici puis là, je vais réessayer sur l'autre. Ah, tu vois, lui, il s'ouvre mieux. Bon. Ils ont vraiment la même couleur. Fait que oui. Je vais les mettre à différents endroits. Un à gauche, un à droite. Il aurait dû, en effet, mettre celui au caramel, il sent vraiment le caramel. Puis celui au chocolat, il sent vraiment beaucoup la menthe. Ah, le chocolat menthe aurait dû être soit vert ou soit noir. C'est vrai? Foncé, ça aurait été mis. T'es-tu prêt? Oui. Boop! Merci beaucoup. Bon, je retourne à mon autre micro. Oui, on a chacun un bonbon de chaque. Ouais. J'ai mis le chocolat menthe à gauche pour être sûr. Moi, je pense que j'ai commencé par le caramel. OK, caramel parce à droite. Que menthe, c'est comme... My best, puis je sais que toi, ton best, c'est comme au caramel. C'est caramel, OK. Donc, caramel en premier, et je sais que c'est marqué de les mâcher, donc c'est des bonbons à mâcher, ça, on n'aura pas à les sucer au complet. Là. Hey, moi, j'ai toujours sucé mes manteaux. Ah, je sais bien, mais Tania, faut que tu arrêtes tes habitudes de suçage. Fait que, on est prêts? C'est tellement wrong, j'espère que personne nous écoute. Qu'est-ce que ça va? Juste le goût, il est sucé. Bon, ouais. Moi aussi. OK, mais le caramel, il est dur, hein? Ouais. Ça goûte. Pas de nénat. Non, c'est ça. Ça goûte un peu... Bon, peut-être pas les Werther's, mais les bonbons au caramel classique, là, les rouleaux. C'est ça vrai. Goûte les rouleaux, c'est ce que je cherchais. D'après moi, c'est une même caramel. On dirait un caramel sûrement chimique au bout. Mais, probablement. C'est satisfaisant, c'est très sucré, très très. La coquille pogne plus dans les dents que le caramel lui-même. Vrai. Je me demande combien j'en mangerais de suite, peut-être max 3. Ah, ça ouais. Fait beaucoup de salive. De parler. Mais c'est fait de même. Mm-hmm. Fait pour ça, non? Très bon. Les Mentos, à la base, c'est pas fait pour alléger les douleurs de la gorge? Je pense. Justement, en créant beaucoup de salive. Ça se peut. C'est pas pour la laine? Ah, je sais pas. Ouais, mais c'est très bon. J'aime beaucoup. Pas que nénant. Mm-hmm. OK. On y va avec la menthe? Ouais. On n'a pas d'eau pour se gargariser la bouche. Non, mais on a ça. Ben non. Pas en studio, quand même. Donc, chocolat menthe. De quoi tu parles? Je sais pas de quoi tu parles. Donc, chocolat menthe. C'est le deuxième bonbon. Ah, j'ai de l'eau, moi aussi, d'hier. Je sais pas si c'est encore bon. On va essayer. Un petit peu d'eau d'hier, c'est toujours bon. Hein? Mm-hmm. Oh, mon bouchon était fermé. Oups. OK. Je pense que je me suis bien gargarisé. Ça goûte plus le caramel. OK, on est prêt. Choco menthe, go. On y va. Ça a l'air des bonbons, tu sais, au beurre avec un petit nombril. Là, ce qu'on appelle les bonbons nombrils. Les Werther's, non? Ouais. Oh là là. La menthe, hein? Là, tu tombes dans mes cordes. Mmh. Ah ouais, OK. La petite menthe est quand même intense. Ouais. Mmh. Si tu veux gagner mon cœur dans la vie, soit du café,

Je vais même pas répondre non, à ça. Non. Les ça malaises qu'on a pu faire aujourd'hui. Ça chatouille. Ah, je me l'ai dit, j'ai vécu des choses pas mal plus jolies. C'est donc les Jolly Rancher bouchés, elles sont originales et tropicales. Vous pouvez retrouver ça en magasin, bien sûr. Des bonbons en boîte, genre paquet de cigarettes. J'ai reçu le commentaire que ça fait peut-être comme quand on fait manger de la gomme à un chien. Ah ouais, hein? Ouais. Mouah, mouah, mouah. Cette édition spéciale d'Assemblage Requis vous revient après la pause. Yay! Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage Requis, édition spéciale, une grosse pointe en dresse sur le mois d'août à novembre 2016. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. Dernière heure de cette portion d'Assemblage Requis et d'une grosse pointe en dresse. Donc, on approche du présent. On est rendu à l'automne, à l'hiver qui commence, le froid, donc on se réchauffe. J'imagine, je pense qu'on a goûté du café. Oui, on a goûté chaud. Aussi, si je me souviens bien, du chocolat chaud, oui, exactement. Ouais, pas aller trop loin, décembre, c'est pas là-dedans, fait que... Non, c'est ça. Mais bon, bref, écoutez ça, puis vous allez bien en être heureux et pouvoir vous procurer ces produits-là vous-même, peut-être. Quelques idées pour le réveillon, peut-être. Et voilà, Assemblage Requis continue tout de suite. On a gardé Alex Marchand de la chronique de la GQTR, salut à toi, pour faire notre chronique où on goûte à quelque chose, ce qu'on appelle les produits du tiroir. Voici une grosse pointe en dresse. C'est une grosse pointe en dresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte un produit en épicerie, en dépanneur ou peu importe, c'est jamais de la pizza. Malheureusement, même si le titre de la chronique c'est une grosse pointe en dresse. Ben là, je suis triste par exemple, je m'en vais tout de suite. Bye! C'est pas si on avait vraiment une pizza à chaque semaine. On devrait être commandité. Tania! Yeah! Oui! Commandité de pizza! Ouais. Ah ouais? Ouais. Bon. On va travailler là-dessus. Bref, j'ai parlé de produits du tiroir parce que ce sont les produits qui se retrouvent dans mon tiroir de mon bureau personnel. À chaque semaine, j'achète bien des choses à l'épicerie et je fais un petit stock de choses pour les prochaines chroniques. Il m'en reste encore deux produits et là, il va n'en rester qu'un seul parce que je vous ai apporté des pâtes d'ours enrobées granola au caramel. Oh, God! Oh, que ça a l'air bon! David Ferro, est-ce que vous pensez en faisant un gag, nous avait un petit peu dévoilé ce que c'était? On avait parlé même, je pense, je sais pas si c'était en onde. Hey, oui. David, cache ça, les pâtes d'ours! Non, non, non, non! Bon, donc voilà. pâtes d'ours enrobées de la compagnie Dare. C'est sans arachide. Ça dit meilleur choix de Dare parce que c'est 8 grammes de grains entiers, moins de 10 grammes de sucre et enrobé de vrai chocolat au lait. Du vrai chocolat. Pas de carob là-dedans. Il en existe du faux. J'ai été trompé toute ma vie. C'est 6 sachets par boîte. Ces biscuits granola recouverts de chocolat au lait sont un meilleur choix, comme on dit, car ils sont faits de grains entiers et contiennent moins de 10 grammes de sucre. La collation idéale pour les boîtes à lunch après l'école ou même après le souper. C'est le fun qui nous donne des exemples. Ça veut dire qu'on peut pas en manger la nuit. On peut pas en manger au travail. C'est vrai. En tout cas. Parmi les ingrédients qui sont écrits en blanc sur jaune, il y a... Ça va faire mal aux yeux, ça. Grain entier, ça va. Enrobage de chocolat au lait. Ensuite, huile de palme. On aime ça. Et huile de palme de palmiste modifiée. Je savais pas que ça existait. Sucre, sirop de maïs, purée de pomme. Oh, purée de pomme. Correct, correct. Oh. Purée de pomme, Tan. C'est correct, j'ai dit. Comment est-ce que j'aurais pu deviner qu'il y avait de la purée de pomme dans des pâtes d'ours au caramel? Il y a souvent de la purée de pomme dans tout. Probablement en goûtant aussi. T'auras pas de grosses réactions allergiques à ça? Mais non, on devrait pas, là. Ton épipène à 300$, hein? Il est prêt? Ouais. On va ouvrir la boîte, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. La boîte est faite de fibres recyclées à 100%. J'espère que les biscuits ne goûtent pas trop le carton. On vous met au courant si jamais je meurs. Il y a d'ailleurs un merveilleux code barre en dessous de la caisse, là. C'est super le fun. C'est parfait, hein? C'est le 0-633-48-015-884. Adressez ça sur votre téléphone, les gars. Vous en achetez une boîte. Je comprends pas le design de la boîte parce qu'en tant que tel, bon, la boîte est jaune. Il y a un ours avec des gros yeux, ok? Mais entre l'ours et le jaune, il y a comme un genre de déchirure dessinée. Est-ce que c'est parce que l'ours est supposé être dans la boîte? Mais je pense que l'ours fait comme sortir coucou. Il sort de la boîte jaune. Il n'est pas vraiment dans le fond. Il y a vraiment l'air d'un ours. À l'intérieur, c'est un ours complet. C'est un ours. Ah, j'ai hâte de le voir. Des petites feuilles d'arbre, j'imagine, pour faire comme boiser. baiser, ours dans le bois, etc. etc. La barre ressemble à une crotte d'ours, je trouve, et non pas une patte. Ou un tas de terre. Un tas de terre. Tout sauf une patte, finalement. Ouais. J'ai pas déjeuné, mais là, j'ai plus faim. On va voir, moi, bon, granola, ça me dit quelque chose de mou, donc j'espère que ça va être mou. Comme une crotte, finalement. Ça serait préférable. Au caramel, donc ça va être coulissant. Encore une fois, comme une crotte. Tana, je te passe ça. J'avais pas faim, mais là, j'ai vraiment Donc on n'a pas de micro magique. Ah oui, on a un micro magique, mais c'est plus le même qu'avant. Là. Il a changé de place. Fait que, on peut-tu faire du stéréo si on en met deux collés un à côté de l'autre? Ou... Je sais pas. J'invite Tania à essayer. Ouais, Tania, parle d'un homme en même temps. On va... on va essayer ça, ok, les gars? Oh, oh ouais, ça fait. Je pense que ça l'amplifie. Est-ce que vous trouvez que ça. Oh, ouais, ça l'amplifie vraiment. Ouais, vraiment. Ok, fait que. Pourquoi tu me donnes tout le temps des boîtes qui sont difficiles à ouvrir? Ben, je te donne tout le temps les emballages. C'est toi qui n'as pas de talent. Ok, ça. On y va. Non, depuis que je suis jeune, là, m'ouvrir des boîtes ou des sacs, là. Mm-hmm. J'ai d'autres talents, mais pas ceux-là. Est-ce que ça doit être en portions individuelles, messieurs? Des sachets. 6 sachets. 6 sachets. 6 sachets, sont-elles sèches ou archi-sèches? 6 sachets, pour quel prix? Ah bon, les prix, hey, ça c'est pour les autres. Moi, j'ai pas de talent en argent. Fait que j'achète tout n'importe quoi. Donc, Alex. Merci. C'est vraiment des petites pattes d'ours, hein? Ouais. Ils ont Mathieu? Grosse à la boîte, mais... Merci. Et moi, donc, il t'en reste comme 3. C'est vrai que c'est petit, c'est vraiment petit. C'est vraiment petit, c'est plus petit qu'une patte d'ours normale, je pense. Le micro magique, officiellement, ne sert absolument à rien s'il est de ce côté-là, par exemple. Non, je sais, hein. Ouais, okay, merci. Mais attends. Attends, ok, tu vas animer dans le 5. Je vais continuer à ouvrir dans le micro magique. Est-ce que vous trouvez que le papier est comme gluant? Hein? Non. Non? Non, non. Ben, une petite affaire, ouais. Il est luisant, en tout cas. Mon Dieu, okay. Regarde, moi non plus. Hein. Oh boy! Ça sent le chocolat, les amis! Et le caramel, ça me rappelle, tu sais, les petits biscuits, genre... Oui! Ouais, oui, tu sais déjà lesquels. Ben, je suis sûre, juste plats, à l'odeur. Sont plats, sont au caramel, sont super tendres. C'est par Little Debbie, genre, il y a ça à l'épicerie, c'est comme une pièce et quelque chose, là, c'est pas cher. Ouais, c'est peut-être pas de ceux-là auquel je pensais. En tout cas, ça fait un petit caca, mais c'est, ça ressemble... ça sent pas ça, par exemple. Mais du caca plate, mettons. Oh, oh, ben encore là, il y a des petits motons sur ça. Il y a des motons dedans, il y a comme des... Ça serait comme un caca mou, mais qui aurait gelé. Les gars, vous êtes dégueulasses! Ouais, je pense que ouais. Non, mais faut le décrire, c'est un médium visuel. Vous aviez pas... Tu sais, là, il y avait comme des rondelles de coconut avec du chocolat puis du caramel dessus quand on était jeunes. Je me souviens plus, la boîte était comme blanche. Oui! Ça sent ça. J'ai tellement mangé ça toute ma vie, là. Ça sent aussi les biscuits papineaux. Tu sais, les biscuits papineaux? Ils sont comme durs au chocolat puis avec du crémage. Du caramel dedans? Je pense au caramel aussi, c'est super. Papineaux? Non, je connais pas les papineaux. Goûtez à des papineaux. Si vous voyez des papineaux, ceux qui étaient de la même marque que l'écolier, qui avait comme du caramel dedans, mais qui était enrobé de chocolat. Pas Célébration? Je pense que c'est ça, Célébration. Ah, c'est bon, ça aussi. Célébration caramel. Bon, oui. À place de parler de kikia, puis des biscuits. Faudrait que tu ramènes le sujet. Mais juste par rapport aux papineaux, là, je vous invite à vous questionner si vous êtes en train de licher le boulevard papineaux, parce que c'est pas ça que je voulais dire, OK? Plus du crémage, vous avez fait quelque chose qui fallait pas avec la sauce. Exactement. OK. Bon, on y va? On goûte? Allons-y. Oui. Oh, c'est dur! Plus solide que j'aurais pensé, hein? Moi aussi. 5 grammes dedans, hein? 8 grammes, genre. Tu vois? Ça goûte le vrai chocolat. Ouais. On parle pas c'est de comme salé Marie. Aussi en même temps, hein? Salé? Non. Vous trouvez pas que la barre est comme salée? Un peu. Peut-être un petit peu. Mais je trouve que le sucre est pas si intense que ça. Je sais pas si c'est moi qui est déréglé, mais je trouve que ça goûte pas tant grand-chose. J'avais de grands espoirs. Ça goûte comme pas ce que je m'attendais. Non. Non, mais on est loin des petits ronds coconut. Là. Ouais, vraiment. Ça, c'était excessivement sucré, mais ça, on est dans quelque chose de quand même... J'ai l'impression de santé, même. Ouais, c'est ça. Je m'attendais à un coulis de caramel dedans. Je m'attendais à ce que ce soit plus tendre. Ouais. On a quand même 20% de gras saturé, par exemple. Bon. Ça, c'est les détails, Alex. C'est trop sec. Ouais. Ouais, les pâtes d'ours, en temps normal, sont moelleuses. Mm-hmm. Là, c'est dur. Ouais. Très décevant. Oh. Je me posais de la finir que je mets mon pouce en bas. Ouais, moi avec. Ouais. Pouce en bas pour les 3, c'est dommage. Triste. D'art. T'es sûr qu'ils sont pas passés date? On va aller voir. Tu sais, les biscuits mous, ils deviennent durs, puis les biscuits durs, ils deviennent mous. Fait que... Où sont les dates de péremption? C'est pas l'équilibre dans la vie. Hein? On dirait qu'il y a comme un petit arrière-goût en plus que je suis pas sûr d'aimer. Ouais. Je trouve pas du tout la date. Bon, ça y est. Mais pour vrai, c'est bizarre, pas de date. Attends, je l'ai. 26 novembre 2016, on est correct. Ah, pourtant. On est correct, c'est vraiment ça que c'est supposé goûter, faut croire. C'est vraiment censé être dur de même. Ben ouais, on dirait. Je n'aime pas ça. Non, moi non plus. Non. Bon, donc 3 pouces par en bas, c'est bien dommage. On a du plaisir depuis le début de l'émission, ça va super bien. Et mais par contre, on a tellement eu de plaisir, il faut que ça arrête. Ben ouais. C'est même pas vers ça que je m'en allais, David Ferron, qui est là, tout offusqué, j'ai même pas encore parlé. Ben oui, mais je comprenais pas pourquoi il était offusqué, je viens de faire le lien. Ouais, c'est ça, ben ça aurait vraiment pu être ça. Me connaissant, même ça aurait pu sonner de même. C'était vraiment ce que j'aurais dû faire comme blague, mais non, ce que j'avais préparé comme phrase dans ma tête, c'était que... C'est pas fini! Non, ça veut dire qu'on a rétréci notre durée pour une grosse pointe d'adresse, oui, parce qu'on doit rentrer dans un genre de 20 minutes avant un Génie en liberté. Fait qu'aussi bien commencer tout de suite à arrêter de parler. Tout à fait. Donc voici la chronique qu'on aime tous le jeudi, une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Yeah! Une grosse pointe tendresse. Wahoo! Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. C'est une grosse pointe tendresse. Tout le monde applaudit cette chronique-là, tout le monde l'aime. Yeah! La chronique dont on entend le plus souvent parler, parce que les gens aiment ça, savoir quoi acheter, quoi goûter pendant leur fin de semaine. C'est pour ça qu'on fait ça le jeudi. On adore. Et aujourd'hui, on a David Ferron avec nous. David, salut. Ben, salut. Salut, David de l'Aube Trotter et de oui. La chronique La Carte Beachée et le Zone Campus à Assemblage Requis. Donc, on le connaît de plus en plus cette année. Il est là partout. Oui. Même quand il n'est pas là, on le sent quand même. Ça laisse des traces. Hein? Donc, aujourd'hui, tu nous as amené quelques produits à goûter. Tu t'es senti généreux, je pense, aujourd'hui. Oui. Exactement. En fait, je sais même pas ce qu'on va boire. OK. Au moins, on sait que c'est canadien, par exemple, David. Ah, c'est bien. Mais je sens un pattern. La dernière fois qu'on s'est rencontré à cette chronique-là, t'as amené de la liqueur de la compagnie Jones? Oui. Jones? Oui, Jones, exactement. Et là, un autre nom, c'est Grace. Oui, je sais même pas c'est quoi. J'ai découvert ça ce matin. OK. Donc, j'ai jamais bu ça. J'ai jamais vu ça. Peut-être que le propriétaire de ça, c'est un gars qui travaille, c'est un PDG d'une compagnie qui est reliée avec Android, je sais pas. On sait pas. Je sais pas, mais moi, Grace, ouais. ça me fait chanter Amazing Grace. How sweet the sound. Non? Okay. Crime que vous en remarquez pas quand que je chante. Mais c'est oui, non, hey, c'était merveilleux. Amazing Grace, comment? Tout le monde parce connaît que ça. Non, je connais pas les paroles. Ok. Mais il veut pas avoir la niaiseux, lui, à radio. Moi, hein, si j'ai pas la fou au moins une fois dans la journée, j'ai pas fait ma job. C'est une petite blague. Donc, Grace, on a 4 saveurs. Tania, tu les as pris en photo pour la page Facebook. Oui, exactement. Puis écoute, je suis en train de chercher. Je suis tombée sur le site de gracefoods.ca. Okay. Qui est en fait la compagnie qui produit ces merveilleuses petites bouteilles à ma droite, caméra gazeux. 3. ça existe depuis 1922, apparemment. Oui, et je suis en train de chercher. Ils ont un blog, mon Dieu, c'est vraiment gros là, comme affaire. Ils ont de l'eau de coco aussi. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Je vais aller voir dans n'importe quelle épicerie du Canada. C'est pas les plus en vue dans les épiceries. Souvent, c'est sur les tablettes plus basses, loin des produits très populaires. En tout cas, de la façon que tu me l'as montré sur la photo, il me semble que c'était pas mal en bas. Ah, ben pas tant que pas ça. Tant que ça non? C'était vraiment à mes yeux. Ah oui, OK. Oh, oui. Ben, Colin, ça devrait ben, être plus connu. Ben, en fait, c'est peut-être moi comment je t'avais montré ça via la photo. Oui, exactement. Mais c'est ça, les bouteilles sont pas super attirantes. Comment est-ce qu'on appelle en français le Caribbean? Les Caraïbes? Les Caraïbes, voilà. En fait, c'est Caraïbes. Ça vient des Caraïbes. Oui, c'est Carabien, c'est ça? Ça vient des Caraïbes. Des Caraïbes. Ouais. Et c'est distribué un petit peu partout au Canada. Donc, on devrait, en théorie, retrouver les goûts, justement, qu'on peut retrouver aux Caraïbes. Ça va être chaud. C'est propulsé un petit peu partout au Canada, mais aussi un petit peu partout dans le monde. Sachez-le. Non seulement ça va être chaud, mais en plus, elles sont température pièce, donc ça va être encore plus chaud. Mais c'est délicat. Elles sont quand même froides. Elles sont quand même fraîches. Je disais tantôt, pas super attirante, je parle du look des étiquettes. En tant que tel, les couleurs des boissons sont vraiment intéressantes. Avant d'ouvrir, Tania, mentionne-nous les 4 sortes. Oui, exactement. Peut-être. Donc, j'ai ici gingembre. OK, ça va être. J'aimerais pas ça. Je pense que j'aimerais pas ça. J'ai le champagne des colas. Je vais avoir dit la gingembre, ça fait quoi? Champagne des colas? Oui, c'est bien ça. Okay. Cola avec un K en passant. Ah oui, ben oui. On a aussi boisson au pamplemousse. Oh, là ça me touche, ça, j'adore les pamplemousses. Et on a banane. Hein? Ouais. Liqueur aux bananes, ça va goûter comme des antibiotiques. Je sais pas. Ou les bananes des Caraïbes, je sais pas si c'est goûts différents. Peut-être la banane plantain, ça. Donc, j'avoue. J'ai 3 verres. trois verres pour trois personnes. Ah non. Oui, trois verres pour trois personnes. Il y a un quatrième verre, mais on est trois. Ah ben oui. Elle le fait comme s'il n'existait pas. Exactement. Mais David n'est pas capable de mentir à la radio. Fait qu'on a quatre verres. Puis je vais commencer par gingembre, messieurs. Celui qu'on a, que moi, j'aimerais pas, ça, c'est, je pense. Tu sais? Moi, ouais. C'est celui que je vais adorer, je pense. Je vais vous en donner un petit peu. Là, je tiens à dire, ça n'a pas fait de bruit parce que je l'ai déjà ouvert. Tricheuse! Ben, je voulais voir si on avait besoin d'un décapsuleur. Il y a des petits mots dedans aussi, comme l'autre, là, la semaine passée. Pareil, oui. Et celui-là dit, oh boy. Prends okay, l'accent des Caraïbes. Je vais, non, je vais non. Même pas le lire. C'est hein? Pas gentil. Quoi? Non, mais hey, wow. Je veux savoir. Hey, tu peux commencer ça. Ça parle de prostituée. David, lis ça. Non. T'as aucune... Oh, OK, donne-moi là, je vais le lire. OK, non, mais là... Oh boy, que ça sent le gingembre. On l'a échappé. J'ai l'impression d'être dans un magasin de sushis, là, un restaurant de sushis, puis de mettre mille nez. Oh, j'ai hâte de boire ça. Hey, ça a tellement... ça a tellement senti fort dans mon nez. Je viens d'attumer, puis j'ai l'impression que je viens de me fêler une côte. Ça va bien, mon enfant. Mais est-ce que tu comprends ce que ça veut dire, toi? Every hoe gave them tick a bush. J'ai aucune idée ce que ça veut dire. Je sais que host c'est une pute, mais le reste, ouais. J'ai aucune idée ce que ça veut dire. Ben, bouche, c'est un buisson. Oui, ben oui. Je commence à regretter mon achat. C'est pas grave. J'imagine que c'est un slogan des Caraïbes. Merci, Tania. Voilà. Quand même. Donc, bière au gingembre. Sans pas bière le, au gingembre, Mathieu. Pardon. Ginger sans le avant de le manger. Ah, je sais que j'aimerais pas ça. Ça va me piquer dans le nez pour le reste moi, de la... Moi, je vais adorer ça. J'ai vraiment l'achumé. J'ai vraiment l'impression de me faire une Mais pourquoi okay. Ça dit ginger beer, donc... Ça voudrait dire bière au gingembre. C'est juste marqué gingembre. Mais en anglais, c'est marqué ginger beer. Oui, je sais, mais en français, c'est juste écrit gingembre. Fait qu'en français, ça ne saoulera pas. Pour ceux qui connaissent bien le gingembre, ça sent vraiment comme si vous venez d'écraser comme du gros gingembre dans une bouteille. Hé, sérieux, j'ai la sauce sur le bord de mes lèvres puis je fais juste sentir la liqueur. Moi, ça me déplaît vraiment. OK, on y va. Ah! Ah, c'est fort! Hé, j'adore ça. Ah, je déteste ça. Hey, je pourrais tremper mon sushi dedans. Oui. Ah, ça va. Je pourrais pas goûter les autres liqueurs. Ça va remonter dans le nez. Je vais me prendre un autre verre. Ah, OK. Mais c'est puissant comme dans genre... T'as des sensations partout dans ta tête. Je pleure. Et ton corps complet. Mais non, hey, il cale ça, lui-là, là. David, David, ça va te remonter dans le nez. Hey, ça me pétille, là. J'ai des frissons. Mais c'est bon pour... Excusez-moi. Je déteste. Hey, c'est bon pour la grippe, honnêtement, mais... Oui. Hey, je suis sur rouge. Est-ce que j'ai t'es rouge? Vraiment rouge. J'aime tellement pas ça que je vais prendre de l'eau qui date de, je pense, mardi pour essayer de... Ah, c'est ça. Fort! Je pense que j'aime mieux me faire un shooter de Jack Daniels que de boire ça. Je sais pas, mais peut-être, ouais. Ah, OK. Moi, j'ai utilisé le quatrième verre pour mettre mes déchets. Tout à fait. Non, c'est pas pour moi du tout. Hey. Mathieu, t'es de l'autre bord. Attends, ouais, je vais... Ça va mal. On a besoin d'un courrier. David devrait servir d'entremetteur pour se lever comme ça. Excusez, je suis en train de buzzer. David est en train de mourir de ce qui se passe dans son nez face à la liqueur de gingembre. C'est okay. Party dans ma gorge. Donc, pour okay. La ginger, ce sera un pouce très loin par en bas. Okay? Ouais. Non, moi, c'est en haut. Moi, je sais pas, là, encore. Est-ce que vous voulez y aller avec champagne des colas? Il faut se nettoyer le palais un petit peu, je pense. OK, on va y aller avec pamplemousse. Pamplemousse. Pamplemousse, mais je tiens à dire que la liqueur est verte. Oui, pourquoi vert? On sait pas. J'imagine que c'était ce qui manquait comme couleur. Oh! Oh. Oui, il y a, hey, y a de la petite fumée. Ça va être bon, après moi. Ah non, je me souviens plus quel verre et quel verre, Mathieu. Verse dans le micro magique, s'il te plaît. C'est un complot pour vous faire des sensations bizarres, cette chronique-là. Oh boy, que ça sent le pamplemousse! On dirait c'est bon, c'est germif dedans en même temps. On dirait qu'on t'en dirait des urinoirs. OK. Oh. Allez, Tania, vas-y. C'est, on dirait une annonce, genre, de bière. OK, là, j'en ai plus mes pantalons. Je vais sentir le pamplemousse puis le gingembre toute la journée. Ce sera pas long, Mathieu, je t'amène ton verre. On va voir l'odeur du pamplemousse sur les pantalons de Tania et le goût de la gingembre pour le reste de l'émission. Merci, Tania. Est-ce que tu trouves que ça sent bon, David? Oui, David, on dirait qu'il va pleurer. Est-ce que t'as réussi à avoir comme le relent du gingembre dans ton nez? Oui, c'est encore dans la gorge. Oui, oui. Hey, non, c'est puissant dans la gorge. Il a pris un verre là, de petit café il au complet. Il l'a calé. Oui. Mais... Il a pas été à deux, trois gorgées. Non, non. Cul sec. Moi, je pense que c'était pour le sketch. Il voulait trouver ça drôle. Puis là, finalement, il le regrette. Ouais, c'est ça. Non, pas pantoute. Non. Non. Bon. Est-ce que t'es prêt pour le pamplemousse? Le pamplemousse sent vraiment le pamplemousse. Oh, j'aime tellement l'odeur du pamplemousse. Mais je comprends pas pourquoi il est vert. On va voir les ingrédients. Ça fait vraiment radioactif vert comme couleur. Ouais. On dirait que ça aurait plus de... Ça serait aux pommes pour moi, vert. Ça marche pas. C'est là. Vrai, hein? OK, on y va? OK, go. Ah, oh, pamplemousse. Ah, c'est bon. Ah oui. Ah, oh, pamplemousse all the way. Ah, puis il est pétillant à souhait, j'aime ça. Hey, on dirait vraiment que tu goûtes. Tu sais, là, dans un pamplemousse, t'as les petites bulles. Oui. Qui éclatent, genre, dans, comme tous les agrumes, là, genre. Ça goûte ça. On dirait que t'as la sensation d'avoir de, que ça éclate comme du pamplemousse. C'est merveilleux, mais je comprends toujours pas pourquoi c'est vert. On leur posera la question par téléphone. Bon, messieurs, vous avez le choix, champagne des colas ou banane. Est-ce qu'on finit avec banane ou on finit avec le champagne quoi, pour célébrer? Banane. On te regarde, David. Ah, bon, ben, c'est moi qui choisis. David a une face de banane. Fait qu'on y va, c'est pas vrai. Ah, il va avec champagne? Champagne. C'est okay. Lisse, la peau d'une banane. Mathieu, peux-tu me pitcher ton verre s'il est vide, s'il te plaît? Il l'est, mais je vais me lever pour te le donner, OK? On est super bien organisé, on veut pas faire de dégâts. L'attention, David, il y a des cannes. Ouais, parce que là, c'est pas un jeu de quilles, David. Mais là, hein? À terre là-bas, s'il te plaît. Il y a quatre bouteilles, on y va calmement. J'y vais, j'ouvre champagne. Champagne, comme tu peux-tu chercher, c'est quoi des colas avec un K? Ouais. Oh, hey, oh, ça a pas fait de bruit, celle-là. Est-ce qu'il va moins pétiller? Je sais pas. Je comprends vraiment pas ce qu'il y a comme... Comme petit proverbe dans le capuchon. On n'a pas compris le premier ni le deuxième. Ouais, mais là, ni le ça troisième. Parle de coquerelle. Ouais. Yeah. Donc, le champagne cola, les amis, c'est un breuvage carbonisé. Comment est-ce qu'on appelle ça des bulles dedans. Ouais. Sucré, produit surtout dans les tropiques, en Amérique latine et en Inde. Ça sent un tropique, mon gars. C'est typiquement un jaune foncé ou un brun pâle. Avec une saveur comparable à la gomme ballon ou au crème soda, sans connexion du tout ni au champagne ni au cola. Dans plusieurs pays, le cola est utilisé comme terme générique pour toutes les boissons gazeuses. Il y a aussi un produit similaire péruvien qui s'appelle le Inca Cola. Donc, il y a vraiment une page Wikipédia si vous voulez en savoir plus sur le champagne cola. Merci, Tania. Oh. Je trouve que ça sent le crème sécule. Ben, ça devrait, parce que ça dit tendance gomme ballon ou crème soda. On devrait aimer ça, je pense. Oui, c'est très crème soda, c'est ça. Ouais, c'est très orange. Hein? Oui, oh, c'est très orange. Et ça sent sucré. Ça sent sucré, là. On va aimer okay, ça. OK, on y va. Go. Mmh. Ah, j'ai vraiment l'impression d'avoir bu du crème soda. Moi aussi. On dirait que j'ai encore le fond de gingembre. Ouais, ben tiens, hein, t'as un peu couru après. Parce qu'on a trop bu. Mais non, j'aime ça, celle-là, pour c'est vrai. C'est bon, ça me rappelle un peu les boissons trop sucrées, tu sais, qui sont en petites bouteilles, là, ouais. Pour enfants, là, les petites bouteilles de liqueur pour enfants. Ah, mais c'est sucré. C'est trop sucré. J'ai l'impression d'être sur un high de sucre. Mettons qu'un shooter de ça, c'est assez. Mm-hmm. Je trouve que oui, en effet, c'est sucré, mais l'espèce d'arrière-goût de soda, il est pas aussi accentué que non. D'autres. C'est ça que j'aime. C'est moins pétillant un petit peu. T'aimes ça moins pétillant? Mais pas nécessairement moins pétillant, mais le goût sucré, oui, c'est très sucré, mais c'est pas. Ça lève pas le cœur. Mais c'est tu as répété trop... que ça a pas pshhh quand je l'ai ouvert. Je sais pas si c'est un problème avec cette sorte de cola-là ou si c'est la bouteille. David, je vais te laisser aller chercher le verre à Mathieu pendant que j'ouvre notre dernière. Qui est banane. Banana! Oh, j'ai hâte. Oh! Et dans le capuchon, ça dit... Des affaires qu'on comprend pas. Hey boy. C'est comme écrit en slang. Ah. C'est de la langue des Caraïbes, sûrement. Peut-être. Parce que j'ai vraiment mal dit peut-être. Peut-être. Peut-être. On se sentait comme un génial comme une liberté. Une grosse bûcheronne. C'est comme un avant-goût de génial liberté avec l'accent très fluvié tantôt. parce que dans celui-là, c'est marqué Gimme Sponge Figo Dry Upsy. Ah, ben oui. Comme on dit, hein. Mais pas Gimme, genre Give Me. Gimme. G-I-M-I. Ah, oh. Gimme. Ah. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire. Gimme, le. Gimme. Ok. Oh. J'adore le bruit. Ouais. Hein. Je l'ai pas encore senti, là. Tania prend la technique de versage normal, pas comme de l'alcool où tu verses sur le bord du verre. Je pensais que tu aurais été plus du genre à faire ça, étant donné ton utilisation d'alcool. C'est quoi cette... Par le passé, hein? Ah. On me juge! Ben non, jamais. Je vais boire ton verre. Ah, celui aux bananes en plus, j'attendais. Quoique, mon pamplemousse peut pas être battu, merci encore. Gingembre, bas, pamplemousse. Ah non, oh, t'as oui, tu avec ton gingembre. C'est, oui, il est spécial avec son gingembre. Même le Pepsi au gingembre là, qu'il y avait cet été. Là. Oh, que ça sent la banane, ouais, mes amis, oui, ça sent le sirop de banane. On l'a pas vu longtemps, le Pepsi gingembre, parce que je pense que personne n'a acheté parce que c'est dégueulasse. Eh, hey, moi, je regrette de pas l'avoir acheté. Ben, ouais. Ouh, en hey, cas, il en reste encore dans mon estomac. Hein? Le sirop banane. Sirop banane? Oui, les jujubes aux bananes, les petites bananes en mousse. Mais le sirop guimauve. Banane. Ouais, on goûte. Mmh. Bleu, comme un petit côté pas poussiéreux, mais... Ouais, je comprends ce que tu veux dire, genre... Il y a du citron là-dedans. C'est pas nécessairement... Ça goûte pas le frais, ça goûte pas la banane neuve, on dirait que ça goûte une vieille banane. Ça goûte une vieille banane. Non, mais c'est une banane genre qui a eu des taches noires dessus, tu sais, là. Banane comme trop sucrée. Non, ça c'est bon, mais c'est. T'aimes ça, ça? Non! En fait, ça sent plus la banane que ça goûte la banane. Tu trouves? Il y a un peut-être le gingembre, là, qui. Je sais pas. Je suis pas convaincu du tout de cette saveur-là. C'est bon, mais c'est pas. C'était censé être ta préférée. Ouais, mais non. T'es déçu? Ouais. Moi, je sais pas, je vais avec pamplemousse. Je vote pamplemousse aussi. Banane, c'est correct. Là. C'est correct, ouais. Mais pour vrai, pas trop souvent. Moi, gingembre. Ça goûte le fond de popsicle. Ou de. Tu sais, quand on était jeune, je sais pas si vous faisiez ça, des bananes en purée avec un bâton dans le congélateur pour faire des pops. Ben, c'est ça. Ben, c'est pas mal ça. Genre. Ouais. C'est bien. Avec du pétillant. Avec du pétillant. C'est correct. Je vote pour le pamplemousse. Qui d'autre, toi, tu votes pour le gingembre, David, oui, j'imagine? Oui, définitivement. Aussi, j'ai voté pour le pamplemousse. Pamplemousse, 2-1, David. Je sais, mais il était bon quand même, le pamplemousse, mais oui, on dirait que j'aime tellement être au surpris. Goût? Ben, c'est que le pamplemousse était plus normal comme saveur. Ouais. Banane, c'est comme trop banane. Ouais. Gingembre, trop gingembre. Gingembre, il était piquant. Oui. Moi, j'adorais tandis ça. Que le goût était bon, mais ça poignait dans le nez. Mais d'après moi, c'est leur spécialité, le gingembre. Probablement. Mettons que je m'endors ou que j'ai un rhume, c'est ouais, idéal. Je bois ça. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. On va s'acheter ça, moi. J'aurais plus le rhume demain matin. Ouais. Ta boy! Puis moi, pour empêcher le rhume de venir, tu vas te laver les mains dans du. Gingembre. Dans du gingembre. Je vais me laver au gingembre. Shampooiner au gingembre. Ouais, ouais. Je vais sentir bon le gingembre. Puis là, tu vas être immunisé, puis là, t'auras plus jamais de rhume. Exactement, puis j'aurais plus besoin de me mettre du allspice. Oui, tu vas sentir, on va te sentir venir de loin. Oui. On se posera pas la question, David, est-ce dans le coin? Ah oui, il est dans le coin. Ouais. Ah oui. Ah, il est dans le coin. Ah ben mon petit sucre de gingembre. Ah que c'est beau. On a ramené Alex Marchand, la collègue de la GEQTR. C'est lui. Allô. Allô. Et on a amené en général David Ferron. Allô. Cœur en général, je dirais collaborateur particulièrement particulier. Allô. Allô? Allô? Ça va bien? Ah, salut Tania! Ah! C'est ce qu'il attendait. Il voulait qu'on sache qu'il va bien. Ouais, c'est ça. On n'a pas énormément de temps pour la chronique d'aujourd'hui, donc commençons là tout de suite. Voici une grosse pointe Aldress. J'oublie toujours de fermer les micros parce que David parle par le sujet d'intro tout le temps. C'est David! Hey. Donc aujourd'hui, pour une grosse pointe d'adresse... Excuse-moi, je me serais. Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique où on parle de malbouffe, où on goûte... où on achète des choses en dépanneur ou en épicerie ou en pharmacie ou peu importe. Exact. Je me suis tellement fait rire que j'ai comme morvé, genre. Eww! Merci. Non, mais là... Caméra 3. On me dit que j'ai trop de détails en ondes. Ah... Aujourd'hui, c'est David Ferron qui nous a amené les produits à goûter. Encore une fois, tu t'es beaucoup, beaucoup, beaucoup trop donné, David où Ferron. Où tu vas pour acheter ces... Tu sais, à chaque fois, c'est comme des sodas spéciaux. Ouais, mais il y en mène en plus, c'est 4 tout bouteilles. À la même place? Ben, même pas. La dernière fois, c'était dans une épicerie, puis cette semaine, c'est une autre épicerie. Ah, OK. Ah. Mais laquelle? D'épicerie, ouais. Ah, cette on peut fois? Les mentionner? Ah, oh, non. Non, OK, on les mentionne pas. Une grande chaîne, on va dire. C'est ça. Disons que c'est dans un coin où toutes les épiceries sont toutes dans le même coin. Ouais, c'est ça. Ah, OK. Fait que vous faites un guess, vous fermez les yeux, mettez faites sur une chaise de bureau. Toi, tournez sur votre chaise. Puis vous transportez sur des forges. Quelque part dans ce coin-là. C'est ça. Donc, David, tu nous as apporté de la boisson gazeuse cette fois-ci. Encore une fois, en fait, je pense qu'à toutes les fois qu'on s'est parlé, les trois dernières fois, c'était des boissons gazeuses. Et que je suis original dans mes thématiques. Ben, tu peux varier éventuellement, mais pour l'instant, ça va très bien, on aime ça. Hein? Oh, oui. Ouais, et aucune sorte au gingembre, je suis très assuré. La semaine passée, David a bu du gingembre. La bouteille quasiment au complet, il l'a calé d'un coup sec. C'était bon. Je sais pas comment il fait. C'était bon. C'était tellement puissant. Sérieusement, j'avais un rhume et je n'avais plus de rhume. Ça guérit pour vrai. C'était merveilleux. Oui, il a donné à Tania à la place. En fait, c'était pas du soda, c'était du sirop pour la toux. Oui, c'est ça, exactement. Ça goûtait un peu ça. C'est la nouvelle liqueur Buckley's. Ça goûte très, très mauvais, mais ça marche. Ben non, moi, j'aime ça, le goût du gingembre. Ah, je pensais à dire que t'aimais le goût du Buckley's. Je sais comme, wow, il est vraiment freak. Il vient d'un autre monde, c'est vrai. Mais bon, on l'aime de même, hein? Cette semaine, David nous a amené la marque Virgil's. OK, pas Virgin. Pas Virgin, okay. Virgil's. Mais il n'y a pas d'alcool quand même, je pense. Non. Il n'y a pas d'alcool. Par contre, ce sont des sodas qui sont micro-brassés, qu'on dit. Et ça dit dessus, nous brassons un soda tellement pur, tellement riche et crémeux que vous juriez qu'il a été fait au paradis. Oh! Hey, David, c'est des belles paroles. Oui, je sais. Hein, David nous a amené quatre saveurs différentes, un petit peu comme à chaque semaine. Donc, on a le classique crème soda. OK. On a aussi Black Cherry. Oh, cerise noire, c'est bon ça. Oui, root beer. Ouais. Et orange crème soda. Oh! Je pense que plusieurs ont une description différente, donc je vais commencer par le crème soda, les gars. Ça dit dessus, nous avons parcouru le monde entier pour trouver le goût parfait de crème à la vanille. Nous espérons que vous aussi, vous trouverez que c'est le meilleur soda crème à la vanille que vous ayez jamais goûté. Donc, automatiquement, oh, on va savoir qu'il va avoir de la vanille dedans. Ouais. Si on y va aussi pour les ingrédients, ça dit sans gluten, sans caféine et sans agent de conservation. Sans gluten, bon, je pense qu'il y a personne qui a le problème de gluten, mais sans caféine, c'est bon pour David, pour pas qu'il s'assure ça. Exactement. Et les ingrédients sont de l'eau gazeuse, du sucre de canne caramélisé, de l'extrait de vanille et des saveurs naturelles. Hey, on a un extrait de vanille, justement. C'est qu'on a vraiment écouté. Hein? Oui, je sais. Ça m'a pas eu par surprise. Je m'attendais à un extrait musical, quelque chose en vanille. Moi aussi, mais non. Ben, je pensais que t'allais jouer du Vanilla Ice. Oh, ice baby. David, est-ce que je vais pouvoir t'utiliser comme serveuse pour Mathieu? Comme serveur? Comme serveur. Mais non, mais c'est parce qu'en temps normal, dis-moi. Mais oui, mais là. Tu sais qu'est-ce que ça implique? Tu sais qu'est-ce que ça implique comme risque? Des faut que ça donne un verre plus gros que les autres. Loin de la console, je vais me déplacer, moi. Je vais aller voir d'autres côtés. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais ouvrir le tout. Oui, bien sûr. Les attentes sont élevées, hein? C'était moyen. Quand comme, même difficile à ouvrir, ouais, là. J'ai des mains de feluette, là. On y va pour le coulage? Oui. Oh. Oh, le son est excellent. Oh my God, ça sent la vanille! Ooh. J'ai réussi à passer un verre sans faire de dégâts. Juste à côté de toi, bravo. Tu sais, en fait, ça sent comme les bonbons à la vanille. Oh! Ça sent le mélange à crêpe un peu, tu sais, quand ça ajoute. Ouais, c'est ça, exactement. OK, la barre était haute dans le texte de description de la bouteille, mais là, que ça goûte, que ça sente, ça m'attire vraiment beaucoup. Merci d'avoir. Ça sent vraiment, en fait, les crêpes. Tu sais, quand tu fais des crêpes fou, à vanille. Hein? Juste avant de les cuire, là. Ça sent vraiment des bonbons genre Werther's. Oui, exact. Très sucré, là. Ça a l'air vraiment bon. Ah, le caramel dur aussi. Oh, caramel dur. Ah, c'est vrai, il y a du caramel un petit peu dedans, là. Ils ont dit caramélisé. Ah non, mais vraiment, l'odeur est imbattable, je pense. Est-ce qu'on ça sent bon, en tout cas. On goûte? Oh, oh, oh! Caramel! Ah, wow. Le caramel, un caramel fondu froid, là, vraiment. Là. C'est surprenant. Et gazéifié. C'est surprenant, c'est que c'est rafraîchissant quand même. Oui, ça, ça laisse pas genre couche grasse en bouche et comme ça coule. C'est un bon point. Ça fait pas une couche sur tes joues, genre que t'as comme du sucré pendant longtemps. Tu sais, on pense crémeux, on dit, ah, ça va, tu sais, il va rester un petit goût comme la route beer du IMW. Non, mais tu pourrais mettre ça sur une crème glacée ou n'importe quoi. Tellement! Faire un flatteur avec celui-là. Ah, oui! Oh! On a un gagnant, on a un gagnant. Oh, oui, ou sur un café mocha, je sais pas si ça peut. Hey, je sais pas, un café mocha gazéifié avec de la crème soda, du crème soda dedans. C'est ça? My God. Ben, Oh, Tim Hortons pour du cappuccino glacé. Non. Non. Hey, Tim Hortons. Je pense que j'ai réussi à la refermer. Hein? Oh. Ah ouais. Un peu. Okay. Elle est un peu croche, mais David, je vais te mettre en charge de les mettre derrière pour pas qu'on les accroche pendant. Tu me fais trop confiance, Tania. Et de toute façon, c'est très bien que David, va, en allant la porter près du mur, va la finir de toute façon. Hein? OK, attends, je te redonne mon verre. OK. On veut tes dernières impressions. J'adore le goût. C'est tellement sucré, mais en même temps, pas dérangeant. J'avais peur un petit peu que ce soit un petit peu trop sucré, crème soda. J'ai tendance à aimer le crème soda, mais à petite dose, moi. Ouais. On y va pour Black Cherry, messieurs, cerise noire. Oh! Oh! Ça fait mal aux mains ouvrir ça. Ben. Oh mon Dieu, ça sent le Dr Pepper. Ouais. Ben c'est logique en même temps. Ouais. Je pense que le Dr Pepper, on remarque un petit peu une note de cerise. Ça c'est celui à Mathieu. Faut qu'elle dise au micro. Ben oui, parce que sinon. J'avoue que c'était... on aurait quasiment pu mettre nos initiales dessus pour être sûr de pas se tromper, hein. Merci David. Tu fais bien ça jusqu'à maintenant. 2/4. Je viens de me rendre compte que je vous en donne vraiment beaucoup. Ben c'est vrai que la bouteille, il en reste pas même en première. De non, c'est ça. La première, fallait y goûter pour vrai. Ben oui, mais c'était l'original. Ça doit être leur marque de commerce. Exact. On sent c'est vraiment réussi. Ah, les petits roux qui se font sentir. Petits roux, c'est ça, t'as dit? Oui. OK. Odorat, test d'odorat. Ça sent un peu le Mr. Freeze rouge. Oh, aussi, c'est vrai, à la cerise. Ça sent quasiment le sirop aux cerises aussi. Un genre de Robitussin. Tu sais, là, les suçons aux cerises. Là. Ouais. Ah, c'est plus ça. Ah, ouais, ouais, ouais. On goûte? Oh, oui, oui. Allons-y. La texture est fuckée. Oh! Je suis pas certaine du goût. Moi, j'aime beaucoup le goût. Très popsicle fondu. Moi, non, oui, j'ai jamais. Ouais, c'est un peu comme la Jones de la semaine passée, bleue, là. Okay, mais ça me rappelle ça, mais en rouge. OK. Ah, ça là, je l'ai manqué dans le Jones. C'était bleu deux semaines. Et c'est vrai que ça fait vraiment sucette. Sucette, cerise. Ça fait vraiment suçon ou. Même la texture, tu as l'impression d'avoir vraiment. Tu sais, un suçon depuis longtemps dans la bouche. Une espèce de même texture. Avec le mélange de salive. Ouais, exact. Après, quand ça fait, peut-être une demi-heure que t'es sur le suçon, là. C'est un peu la même texture. Vous qui connaissez beaucoup de français, là, au Québec, c'est sucette pour le truc dans le coup, puis suçon pour le bâton. En France, c'est pas le contraire, genre. C'est comme un suçon dans le cou, puis une sucette, on va dire. Une sucette dans la bouche. Je sais pas. Sucette dans la bouche, une sucette. Un suçon dans le cou. Ben, je sais que France Gall, elle a chanté les sucettes qui étaient à double sens, mais bon. Ah! Ouais. Je sais qu'il y a plein de Français qui nous écoutent qui me trouvent super vulgaire en ce moment. Mais c'est ça. Comment vont tes gosses? Messieurs, vous avez terminé? Oui, France Gall, c'est la même là, qui chantait sucette, puis c'est elle qui a inspiré Katy Perry avec Lollipop. Et Mika aussi. C'est vrai. Bon point. Prochaine, miam. Orange. Mmh. Donc, l'étiquette a été refermée dessus. Je suis pas capable de voir ce qu'il disait. Oh. Mais les ingrédients pour celui-là, c'est extrait de vanille aussi et saveur orange naturelle. Ah, c'est bon ça. Mais depuis quelques temps, les boissons gazeuses de Coca-Cola ou de Pepsi ont des étiquettes avec 100% ingrédients naturels. Le goût a vraiment changé. J'ai acheté un 7-Up avec 100% d'ingrédients naturels dedans. Le goût est complètement différent, mais c'est le fun que ça existe. Puis comme... contrairement aux deux dernières semaines, il n'y a rien d'écrit dans les bouchons. Bon, mais là, en fait, c'est des messages genre hawaïens, je sais pas trop quoi. Oui, c'est ça, dirt, on ne comprenait pas ce qui était écrit. Mais là. C'était dirt. Dirt. Oui, c'était... Il y avait des mots un petit peu qu'on ne voudrait pas répéter à la radio. Exactement. David n'a pas encore échappé de liqueur, mais il a échappé sa mousse de micro. Ça, ouais, mais tu sais, la mousse de micro est en mauvais état. Hey, sérieusement, Tania? Tania! Tania me remet confiance en moi, tu sais, grâce moi, je te détruis, hein. Oui. C'est ça, Mathieu, pense-y un perfection. Peu. Faut pas faire ça. On se parle toute la journée, mais... Mais? C'est professionnel. C'est ça, presque. C'est professionnel. Tania, t'es en train de remettre le bouchon dessus, ça fonctionne? Ouais. Tu l'as? Check, je l'ai eu. Génial. Merci David de m'applaudir. Orange, odeur. Ok, ça sent. Je trouve que ça sent pas grand chose. Non, ça sent vraiment le croche à l'orange normal. Contrairement aux deux liqueurs qu'on vient de boire, là, je trouve que l'odeur est pas vraiment présente. Non, c'est vrai. Non, même que je me demande si ça sent. La clémentine. Ben ouais, genre. Oh, mais c'est prometteur. J'allais dire un vrai agrume, une vraie orange. Ouais, c'est ouais, ça. Un peu. Mais sans les petites odeurs désagréables qui vont dans le top du nez. Comme... Ouais. Ouais. Celle-là qui reste, là, la seule qui est comme en longueur. Là, mais non, c'est comme juste l'agréable de l'orange. On y va? On y va. OK, le crème soda est un petit peu là. Mais pas trop, hein. Il est plus là que l'orange, par exemple. Ouais, y a pas d'acidité. Il n'y a pas d'acidité, là. Ça goûte même pas l'orange croche, mettons. Non, ça goûte un jus d'orange qui aurait été gazéifié. Ouais, mais exactement. Moi, j'aime ça. Ouais, mais c'est un frais, par exemple. Pas, tu sais, un jus d'orange commercial, quelque chose que tu fais toi-même. Il n'y a pas de pulpe dedans. Ça goûte l'eau aussi, un petit peu, hein. Je suis la seule à penser ça. J'ai regoûté. Mais je trouve qu'il y a un côté eau minérale, je trouve. Ouais. Côté. C'est vrai. Il est pas très sucré. San Pellegrino. Ben, ça, il est comme plus, j'ai l'impression, plus gazéifié que les autres, on dirait. Il y a plus de bulles. Ouais. Peut-être. Peut-être. On y va dans les derniers moments. Là, j'y vais plus rapidement parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Non, c'est ça. Mais la prochaine, c'est bien évidemment Root Beer. Et dessus, ça dit... Attention, attention. Brassée à l'origine dans le nord de l'Angleterre, la racinette de Virgile est produite à partir d'ingrédients naturels. Noix de muscade... anis importé, essence de wintergreen. Ça, c'est une sorte de menthe, hein, wintergreen. Merci. C'est la menthe de Winterfell, c'est wintergreen. En tout cas, bref, c'est pour ça que j'ai Game of Thrones, j'ai compris la blague. Et ça dit, le procédé de brassage lui donne une saveur tellement riche et corsée. Et une telle onctuosité que vous juriez qu'elle a été faite au paradis, bien évidemment. Est-ce que comme chez Pacini, quand tu prends du corsé, c'est 13$ la coupe? Eh boy, on a déjà fait ça l'autre jour. C'était incroyable, 13$. Pas sur l'heure du souper. Oui, oui, évidemment, après la job. Va d'animer le 5 heures. Absolument. Oh, oh, quand même. Elle sent pas avant les autres. C'est une IP qu'on va boire. Une IP, c'est ça. C'est une Guinness. Ah, j'aime pas ça de la Guinness en plus, de la bière trop noire. C'est avec les billes dedans, hein, tu sais. Ouais, ouais, j'ai pas encore compris. J'avais déjà vu une vidéo, mais genre vraiment rapidement. Fait que j'ai pas expliqué pourquoi quelque chose. La bille était là. Ouais. Oui, c'est pas pour justement, pour pas que ça fasse de croûte. De ça croûte peut. Pas tellement c'est épais, genre. Crème, une bille croûtée, c'est pas cool. Ah, on vient pas de dire ça en ondes. Ben non. Je me demandais, est-ce que vous avez ça, genre, de sampler des voix, genre, de monde qui rit en background, genre, sur le reste? Mais là, on est quatre en ce moment, on devrait pouvoir le faire ouais, nous-mêmes. C'est ça, on est pas ok, je m'en occupe. Okay. Ça marche moins. Voilà. Non, c'est moins hot. C'est pour ça que les foules dans les sitcoms, les foules n'ont pas juste 4 personnes, je pense. Ah, peut-être. C'est peut-être ça le problème. Faudrait mettre une rangée de gens ici c'est à côté ça. À chaque fois. Un multiplicateur de micros, genre. On a chacun 3 micros. Oh, ouais, ça, mais tu sais, des fois, juste une personne qui rit fort, genre dans le background. Il y a comme tout le temps une personne qui rit fort. Ouais, vraiment. Ça serait drôle aussi, ouais. C'est souvent comme un monsieur avec une grande cage thoracique. Ouais, ou les grandes gueules qui se tapent ses cuisses. Odeur. Fragrant. Oh, anis. On est dans le root beer solide. Vraiment, là. Ouais. Ça me rappelle l'odeur de la AEW, leur dirait une classique root beer. Mais je trouve que ça sent quand même l'anis. Tu sais, on retrouve plus l'anis que le petit côté sucré. Ouais, faudrait que je sente l'anis. Non, j'ai-tu du sang à rajouter? Ça a été bon. Oh, que je l'ai pas. Il a comme juste arrêté au bon moment. Non, mais tu sais, l'anis, ok. Important quand tu c'était très, très autour de l'anis. T'as vrai, j'ai mis le doigt sur l'anis. C'est pas cool. Ok, on goûte. Pourrait vraiment commencer une dégustation d'anis maintenant. Je pense que les enfants comprennent pas le deuxième degré. Salut les enfants. Ils sont tous à l'école, on est jeudi. Ok, on goûte. Oh, elle est piquante, hein? Un petit piquant boisé, je trouve. Oh, poivré! Poivré, c'est peut-être ça. Ouais. C'est plus Dr. Pepper, je trouve, que Root Beer dans mon. Dans hey, j'aime ça! Mmh. Je trouve ça moins trop sucré que celle de la AEW, par exemple. Mais une bonne progression en bouche, tu commences petit puis il devient genre. Ouais, un coup d'ampleur. Une ballonne. En fait, ouais. Je trouve vraiment que ça a un goût d'une bière noire. C'est vrai. À un certain point. Oui, oui. Mais en moins. Ça a la massif. C'est ça, exactement. Moins quoi, Alex? C'est moins amer, par exemple, qu'une bière noire, mais il y a quand même une petite amertume qui est intéressante, qui va, genre, avec l'acidité, qui vient un peu s'équilibrer avec le sucre aussi. C'est vraiment l'équilibre, je pense, c'est ce qu'on peut dire. Au rendez-vous des microbrasseries l'année prochaine, on leur apportera notre bière. Ils sauront même pas qu'il n'y a pas d'alcool. On va rajouter de l'alcool 94% de l'eau. Penses-tu que tu peux faire ça de la bière gazéifiée? Probablement. Ça existe. Dans un saut de stream, genre. Genre. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait essayé avec du vin, il me semble. Oh oui, c'est du Porto, mon ami. Oh, Porto. Mettons. Je m'en souviens. David, plus beaucoup. T'sais. Ben, qu'il y avait. Non, Mimosa, c'est vrai, c'est pas gazéifié. Non. Ben oui, c'est vrai parce que le champ. Il y a le trou du diable aussi, qui avait une bière qui avait été fermentée dans des cuves à vin. Hein? Fait que ça goûtait aussi un petit peu le vin, mais gazéifié, ça serait quelque chose à essayer. On devrait s'acheter une sorte de stream pour pouvoir faire des tests en ondes. Tu sais, le genre de tester les produits tels que vus à la télé. Oh. Exact. C'est le fun de tester ça. Je vais peut-être être... on a goûté 4 liqueurs. On va rappeler le nom de la marque et les sortes si les bouteilles sont rendues dans le coin. Hein. Oui. Ça, c'est le désavantage d'avoir mis les bouteilles dans le coin. Ah, je suis désolé, mais c'est parce que je voulais éviter les dégâts. Merci, Alex, qui se déplace. Donc, c'est les Virgils. Fait comme au paradis. Virgils. Voilà. Yep. Merci à tous pour vos commentaires pendant cette dégustation. On n'a pas choisi le produit préféré. Ah oui, on n'a pas mis de pouce en l'air. Moi, je vous dirais la bière, la root beer. Moi, j'ai un petit plus pour la vanille, par exemple. La black cherry, j'ai trouvé vraiment cool aussi. OK, on a vraiment des goûts différents. Ouais. Ben, moi, c'est la orange. Bon! Toute la marque est excellente. C'est génial. Ouais. Ben, pouce en l'air, clairement, ouais. Pour moi. Ouais. Pour les bon quatre. 4 pouces en l'air, c'est génial. Ça va, l'étirement? Hein? Ça va très bien, merci. Ton exercice est fait pour la journée? Exactement. On aime ça. C'est parfait parce que tu vas pouvoir perdre des calories. Oui! Pour okay. que tu vas accumuler pendant la chronique. OK. Non, parce que j'espère que je vais être capable de le manger. J'avoue. Hi, bonne question. Ça pogne-tu d'un temps? Ouais. Oh non. Dis-moi pas qu'il va falloir appeler des renforts. Je vais peut-être essayer de manger de l'autre bord. OK, on verra. Sinon, on appellera des renforts. OK? OK. Parce que c'est le moment de manger ou de boire ou peu importe. Dans la chronique des produits du tiroir, une grosse pointe d'allresse. Une grosse pointe d'adresse, c'est la grille dans laquelle on mange un produit, qu'on boit, quelque chose acheté en épicerie, en dépanneur, en petit magasin, peu importe, des endroits qu'on ne devrait pas trop fréquenter parce que c'est mauvais pour nous, mais on l'apprécie une fois de temps en temps pour se gâter. Hein? Donc aujourd'hui, Tania, je t'ai apporté quelque chose que tu vas avoir de la misère à manger et à mâcher en même temps. Ça va être vraiment difficile. OK. Mais j'avais pas prévu que tu te ferais enlever une dent. Non, je sais. C'est pas grave. Je ne suis pas ce genre de devin-là. En fait, j'ai amené probablement la pire chose que tu pourrais manger quand t'as les dents qui vont mal comme ça. Donc, ça va bien. On va rappeler pour ceux qui n'ont pas suivi depuis les dernières heures. Tania, tu t'es fait enlever une molaire. Oui, exact. Chez le dentiste, ça faisait longtemps que ça traînait. Oui. C'est parti. Et là, t'as encore un gros trou. Oui, parce qu'ils font pas de point de suture, hein? Chez le tien, moi, ils le faisaient. Ça coûtait plus cher, mais... Ouais, c'est ça. Bref, j'ai amené du popcorn. C'est pas la pire affaire. OK, j'ai essayé de mâcher de l'autre bord, puis vraiment pas que ça aide de ce bord-là. On va essayer. Attends un peu. C'est pas du popcorn, c'est des chips. C'est pas bien mieux, mais... J'ai ce produit-là dans le tiroir littéralement depuis 2 mois. Hein? Okay. C'est pour ça qu'on appelle la chronique les produits du tiroir. Oui. Ça date d'avant que David Ferron commence à venir nous faire goûter des liqueurs. OK. Tu sais, on a fait ça pendant comme deux, trois fois. Donc là, on met ça stand-by un petit peu, les breuvages, là, pour se calmer les nerfs. Donc, c'était dans le tiroir depuis vraiment beaucoup trop longtemps et j'ai sorti ça ce matin. Peut-être devenues molles avec le temps. Je pense que c'est pas en fait. Sont encore bonnes jusqu'au 13 décembre. Ah, OK, c'est bon. Non, je les achète d'habitude le plus loin possible de la date parce que je les garde longtemps. C'est donc, c'est les croustilles cuites à la marmite à l'ancienne, barbecue mesquite de Yum Yum et ça dit de les essayer chaudes. Bon. OK, on va devoir appeler des renforts. Tièdes. On appelle des renforts, OK? Attention. Okay. À chaque semaine, à un moment donné, il faut appeler des renforts. Oui. David! Et ça marche à tout coup d'habitude. En temps normal. D'habitude, ça prend un petit 15 secondes. S'il a pas déjà ses écouteurs sur la tête pour travailler. Il va falloir y aller plus fort, c'est ça? Ouais. OK. David! C'est vraiment le pavillon Néré-Beauchemin et l'AGEQTR qui doit adorer ouais, quand on fait sûr. Ce genre de choses-là. C'est long, là. Oh! Non. Non. Ben, calme, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est pas grave, on va s'arranger. Peut-être en train de faire une sieste, je sais pas. Peut-être. On verra. Donc, on va les goûter sans les faire chauffer pour l'instant. Et si plus tard dans la chronique, on peut le faire chauffer, ce serait vraiment le fun. Donc, lisons un petit peu à l'arrière. Ça dit, savourez vos croustilles telles quelles ou chaudes. Nos croustilles à l'ancienne sont maintenant assorties d'un sac à réchauffer qui convient au four micro-ondes, le sac lui-même. OK. Pour vous permettre de vivre toute une expérience gustative. Savourez vos croustilles préférées comme si elles sortaient directement de la marmite. Les croustilles n'ont pas besoin d'être réchauffées pour être appréciées. Bon, tu vois. C'est cool, hein? On va les manger à température. Je pense qu'on va prendre le temps d'aller les faire chauffer parce que c'est la raison pour laquelle je l'avais acheté parce que sinon, on s'entend que les chips... Mais faut pas que ça soit trop chaud, par exemple. Non, mais ça dit que le sac et les croustilles peuvent être chauds, mais pas. Ça va être 40 secondes. OK. C'est vraiment pas si pire que ça. Ça va être tiède. Parmi les ingrédients, pommes de terre sélectionnées, huile de canola, assaisonnement. Ça, c'est du sucre, sel, mélasse en poudre. Ça va être super bon. Levure, maltodextrine, miel en poudre, épices, tomates déshydratées, essence de fumée, poudre d'oignon, extrait de levure, sauce Red Hot en poudre. Ouh là là, OK, on y est. Wow, qui contient du vinaigre distillé, de l'acide citrique, de la poudre d'ail, du bioxyde. David! Merci. Viens-t'en. On va avoir besoin de toi aussi. C'est comme ça nos chroniques, on a besoin de toi par inadvertance, sans comme prévoir. Ça. Mais ouais, c'est ça. Ouais, ça reste dans le coin. j'aime ça des chroniques comme ça préparées, même c'est pas. C'est vraiment plaisant. Ça dit saveur simulée, zéro gras trans et saveur simulée de barbecue. OK. Même si en tant que tel, les ingrédients on a vu ressemblent vraiment à du barbecue. Oui. Donc on va ouvrir le sac dans le micro magique. T'es certain? Tu veux pas les faire les chauffer avant? Mais je crois qu'il faut ouvrir le sac avant. Attends un peu, on va lire les instructions, OK? OK. On fait pareil comme vous si vous avez si vous aviez acheté ce produit-là. Donc étape 1. Vous avez des parties. Fallait qu'il écoute les étapes. Ben oui. Il bouge tout le temps ce gars-là. Étape 1. Placer le sac de croustilles à plat face vers le haut dans le four à micro-ondes. 2. Chauffer à puissance élevée pendant 40 secondes. Étant donné que la puissance des fours à micro-ondes diffère, le temps de chauffage peut varier. Assurez-vous que le sac tourne avec le plateau de votre four à micro-ondes de façon à ce que la chaleur soit bien répartie. Si le sac ne tourne pas, il est recommandé de chauffer le sac 20 secondes, inverser la position du sac et poursuivre la cuisson 20 secondes de plus. Une fois le temps écoulé, ouvrir le sac prudemment et déguster. Tu vois, il va falloir l'ouvrir après. Donc, David, ta mission sera la suivante. David Ferron, évidemment, rédacteur en chef du journal sur le campus, qui vient d'arriver en studio. Bonjour. Donc, est-ce que tu as compris les étapes? Il faut placer le sac de croustilles à plat face vers le haut dans le micro-ondes. D'accord? Tu comprends jusque-là? Face vers le haut dans le micro-ondes. C'est bon? Comme du popcorn. Oui. Comme du popcorn. Écoute, parce que c'est toi qui va être... C'est très important. L'homme qui va aller... L'homme de la mission. Parce que si on te fait pas confiance, on va te faire parler avec moi et Tania va y aller. C'est comme tu veux. Étape 2, il va falloir que tu chauffes pendant 40 secondes. OK. 40 secondes. Mais il faut que tu t'assures que le sac tourne. Tourne en rond. OK. OK, pas face vers le bas, face vers le haut. Il va tourner dans le sens des... Hey, c'est pas un sac de chips, c'est un rôti-de-porc. C'est un rôti-de-porc. Il faut le mettre sur une brochette avant. Oublie pas de le mettre sur une brochette. Et puis après ça, il faut l'effilocher dans notre bol. Oui, c'est ça, exactement. Non. Une fois le temps écoulé, on va ouvrir le sac prudemment et déguster. Donc, on va t'envoyer en mission, OK? Si ça tourne pas, il faut que tu le mettes 20 secondes. 20 secondes, si puis ça tourne tu pas. Tu le remets 20 secondes, OK? C'est clair? Oui, pour pas que ça... Fais juste répéter les étapes. Ouais. Étape 1, c'est quoi? Étape 1? Hey, c'est un dîner de con, cette affaire-là. Ben non. C'est un dîner de... On n'est pas sûr de te faire confiance parce qu'on veut pas que ça explose. Mais vous le demandez pareil à moi. Mais parce oui. que t'es fin. Exact. Et la seule personne dans le coin. OK, vas-y. Comment tu le mets dans le micro-ondes? On le met, couché. La face couverture vers le haut. OK. Après ça, pas la tête toi-même dans le micro-ondes avec la face vers le haut. Fais attention. Non. Après ça, on fait cuire 40 secondes. Mais si le sac ne tourne pas, il faut faire 20 secondes. Arrêter 20 secondes. OK, il a compris. Il a compris. Donc, on donne le sac. En tout cas, moi, je sais pas. L'étape, il a pas mentionné d'ouvrir le sac. Donc, il faut laisser le sac fermé. Je trouve ça louche, mais c'est non, ce que ça dit. Parce que c'est la vapeur qui va faire en sorte que ça va cuire. Ben, que ça va chauffer. Donc, David vient de nous quitter. Oui. Il va aller dans le bureau de C'est fou. Pour aller faire chauffer ça. Breaking news, David est de retour avec le sac de barbecue mesquite cuit à la marmite à l'ancienne. C'est quoi la marque? C'est à l'ancienne? C'est Yum Yum. Yum Yum. Ah, c'est Yum Yum. C'est Yum Yum. Donc, Tania, dans le micro magique, va nous ouvrir ça. Il y a vraiment beaucoup d'air à l'intérieur, là, comme c'est compacté, clairement à cause de la vapeur du micro-ondes. Ouais, c'est ça, mais le sac gonflait ouais, la dernière minute. Ça fait vraiment comme un sac de popcorn. Oh. Est-ce que l'odeur était là dans le local? Non. Non, OK. Non, mais je sens qu'il y avait une fente pour l'ouvrir. Tania, une petite fente en haut. Fais juste déchirer la fente. Hey, j'aime vraiment le bruit. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Oh! Mais je sais pas si les chips vont être molles à cause du micro-ondes. Ouais, mais moi non plus, j'espère que non. J'espère qu'il s'est fait pauvre. Oh! Ça sent bon. En tout cas, David, je vais prendre ta petite napkin. Je vais t'en mettre 2-3 dessus. Merci beaucoup. Ça va être gras. On va voir les traces de gras sur c'est la... C'est sûr. Serviette de table. Oh, ça me fait penser aux Lays, en fait. Oh, okay. Je t'en ai mis plus que 2-3. Pas mal. Mathieu, je vais aller te porter merci, tes petites chips. Sérieusement. Puis, ça... voulez-vous savoir c'est quoi que j'aime beaucoup présentement, juste à la vue comme ça? Il y en a qui sont pliés. Oh, j'aime ça les pliés, c'est doublement crunchy. Sérieux, qui aime pas les chips pliés? C'est tellement pas une bonne idée. T'as vraiment mal installé ta napkin, là, juste pour te dire. Ouais, je sais. Mais check bien ça. Livraison à domicile, on aime ça de même. Oui. David, on fait du travail d'équipe, il y a juste moi qui bouge pas ici. Ben, toi, t'animes. C'est toi le pocheur de sac. Voilà. C'est moi qui ai décidé de prendre ce produit-là. Ben oui. Mais je pense que c'est une bonne idée parce qu'à la base, un sac de chips normal au barbecue, ça aurait été super plate. Ouais. Là, il va être chaud. C'est la raison de l'essayer. Je prendrais du sac. Tu prends pas le reste du sac, t'inquiète pas. Mais non, c'est une blague, je peux pas. C'est trop croustillant pour le trou dedans. Hein? Mais pour vrai, ça sent vraiment bon. Ça sent très bon. Oui. Ça sent vraiment les Chip Lays, par exemple, au barbecue. Hein? Ah oui. Ouais, les barbecues à l'ancienne encore, faut rappeler que Lay's a deux sortes de barbecue. Bon, est-ce qu'on est prêts? J'ai essayé de fermer ça le plus étanchement possible. Étanchement possible. Wow. C'est comme ça que tu disais ça? Non, donc... Étanche possible. On est prêts? Ça va être difficile, là, mon... Ouais, je sais, c'est pour ça qu'il y a David là. Non, c'est quand même tiède. C'est pas super chaud, j'avoue. Ouais. C'est bon chaud. C'est très à l'ancienne. Très bon chaud aussi, ouais. Je pense qu'on pourrait faire ça chaud avec pas mal n'importe quelle sorte de chip. Mm-hmm. Mais de les mettre dans le sac et de pouvoir les chauffer dans le sac, c'est ça la différence. C'est vraiment cool. Ouais, mais fais attention parce que si tu mets un sac de chip ordinaire, des fois, il y a de l'aluminium. Mais pas ouais, ça. C'est ça, celui-là, il est conçu pour ça, mais ouais. Là, l'affaire, c'est... Tu peux pas le remettre au micro-ondes. Non, parce qu'il est déjà ouvert. Fait que t'es comme obligé de le manger one shot. Bah, ou d'acheter deux sacs. Moi, ou d'acheter deux sacs. J'adore l'idée. Mais très bon point ou de manger frais, température sac. Là. On va juste répéter de ne pas mettre n'importe quel sac au micro-ondes. Oui, s'il vous plaît. Le plus de fois possible, faut le dire. Moi, j'adore ça. Je trouve ça super bon. J'aime le barbecue à l'ancienne. Je pense que je préfère ça au barbecue salé. Moi aussi. Moi, en fait, ce type de barbecue-là, c'est mon barbecue préféré. Le salé, là, c'est comme trop piquant. C'est très bon. Pouce en l'air. Pouce en l'air. Ah oui. 3 pouces en l'air, wow. Génial. Ouais. Bon. C'est ce qui conclut cette édition spéciale d'Assemblage requis sur une grosse pointe adresse. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez entendre nos autres émissions spéciales du 26 au 29 décembre 2016 et du 2 au 5 janvier 2017, du lundi au jeudi, de 6h30 à 9h30. Consultez la programmation complète sur cif.ca et retrouvez les notes de l'émission et les balado-diffusion sur assemblagerequis.com. Merci à tous les collaborateurs qui ont participé aux chroniques présentées aujourd'hui. Il y en avait plusieurs. Merci à toi, Valérie Baudin. Merci aussi à toi, Mathieu Plante. Merci à nos collaborateurs, comme tu l'as dit. Ils sont fins. Très fins. Tellement de fun dans une grosse pointe adresse et ça va continuer de plus belle en 2017. Okay, oui. Be there.